DKL, tous les soirs 21h minuit sur Énergie et l'intégrale en podcast sur énergie.fr. Bon les mecs, je préviens, je viens pas le 24 décembre, j'ai un avion moins cher ce jour-là. Ça tombe bien que t'en parles parce que moi je serai pas là le lundi de la rentrée, il y a un match de foot à Barcelone le dimanche. Moi je suis absent toute la semaine à partir de demain, j'ai les cadeaux achetés. Hein. Bon, eh ben moi je reste pas là ce soir, hein, je m'en vais. Allez, bonne soirée. Hein. Ok, bah moi je serai là, hein, je ferai l'émission tout seul. Finalement, on va rester. Bonjour, c'est Zizou. Alors, moi aussi, j'écoute Michael de 21h à minuit parce que franchement, c'est bien. Du dimanche au vendredi, 21h minuit. Parce que franchement, c'est bien, hein. Et c'est Zizou qui le dit. Bah ouais, exactement. Ouais. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'ai une trachéite. Voilà, c'est une ça quoi que j'avais. Une trachéite. De trachéite. C'est pas. T'as été chez le médecin? Ouais, je suis allé, ouais. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah rien, j'avais trop mal là. Ça faisait trop mal, c'était bizarre quoi. Non, c'était pas normal. C'était pas normal que ça faisait mal un peu, ça faisait mal plus, ça faisait mal un peu, ça faisait mal. Enfin, bon, tu vois, c'était chelou quoi. Donc j'ai été et puis bon bah voilà quoi. J'ai un truc là, on dirait que j'ai de la c'est une espèce de. Ouais bah oui. Espèce de spray que je dois mettre dans la bouche, c'est comme si j'avais de l'asthme. C'est très bizarre comme truc. Mais bon voilà, bon ça a l'air d'aller un petit peu mieux. C'est vrai que c'est une maladie de fumeur ça, non? Bah non, pas forcément. Enfin les fumeurs l'ont certainement plus facilement que les autres, mais sinon ça va. Sandro ! Quoi ? Bah tu dors là ? Bah non, pourquoi ? Bah la savesse, on a l'impression qu'elle va se barrer. Mais non, mais il caille. C'est vrai qu'il fait froid. Non, ça va, moi je suis super short là. Attends, dans le bureau, tu nous as fait mettre le truc chauffage à fond. Oui, ouais, bah voilà. Il fait froid. Non, t'es malade. Mais oui, pas du tout. Si, non, elle a raison, il fait froid. Mais non, il caille. Tu veux un petit médoc ? Il caille, ça rase. Oh, c'est ça. Bon, oui, c'est un vrai petit que vin non. Chaud. Eh non, par contre, aujourd'hui, il faut dire ce qui est. Je me suis réveillé ce matin à 7h, me demandez pas ce que j'ai fait. Moins 4. Qu'est-ce que t'as fait ? Hein ? Qu'est-ce que t'as fait ? Bah rien, je me suis réveillé à 7h, puis je me suis endormi. Moins 4. Ah ouais, non, mais ce matin. C'est violent. Hein. Ce matin, j'ai remarqué, en fait, je suis sorti de mon lit. Et j'ai tout de suite senti qu'il faisait beaucoup plus froid dehors parce que tu sais comme moi je suis tu dors dehors ouais. Voilà, je dors quasiment dehors parce qu'en fait j'ai une grande fenêtre à côté de mon lit et en fait ça m'a gelé l'intérieur quoi. Et moi 4, et dans ton HLM Euro, comment ça va? Ça va. Je me suis inquiété ce matin, je me suis levé à 7h, j'ai dit oh putain, je dis merde, le rouleau. Surtout pour... dans les HLM, tu sais, ils mettent le chauffage collectif, donc ouais, c'est pas tout de suite quoi. Il y a un feu de bagnole, tout va bien. Non, mais pour peu, tu sais qu'ils t'envoient pas le chauffage collectif. Bah, ouais, ils voilà. Le mettent du 1er mars au 5 mars quoi. Non, mais c'est trop cher. J'ai laissé le micro-ondes allumé toute la nuit. Pour se chauffer. Ouais. D'ailleurs, j'ai acheté une grosse veste, tu vois, pour être sûr, pour dormir avec. Ah grave, il fait trop froid. T'as blanchi d'ailleurs, ou ouais, je suis c'est l'hiver. Là. On fait un combat, le roux et moi, pour lequel sera transparent d'ici la fin de l'année. Oh bah ça va venir. Je crois que c'est Micha qui gagne. Hein. Ouais, je crois que ça va être Micha, ouais. Bon, donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Écoute, ce soir, comme je vous l'avais promis, on va parler d'Avatar, puisque on ne reçoit pas, puisque nous sommes déplacés. Bah ouais, des stars. Oui. On a dû se déplacer dans un hôtel. Le roi avait jamais vu un hôtel de luxe comme non, ça. Non, j'avais pas fait gaffe, on est allé le même jour que le président de la République. Ouais. Ah bon? Ouais, il est allé quelques heures après nous. Ouais. Oh, dis donc, on a raté quelque chose. Hein. Ouais. Quelle déception. C'est dommage. Donc, puisque on a été enregistré l'interview de Sigourney Weaver et Sam Worthington, oh les deux acteurs là. Principaux. Quel beau gosse. D'Avatar. Ah, c'est pour ça que Nicolas Sarkozy a été. Alors, il a été faire une interview avec eux. Ah bah, peut-être, pour poser. Ouais. Je sais pas. Donc, on les recevra tout à l'heure en interview. Ça dure un quart d'heure, 20 minutes. Et c'est sympa. Alors, Sam Worthington a un accent particulier. Il est australien. Donc c'est il avait d'ailleurs gagné un Oscar australien. Oui, je sais pas si c'est une petite statuette en forme de kangourou. Je ne sais pas. Enfin, bon, c'est pas très grave puisqu'il a un petit cul particulier aussi. Donc, c'est pas possible, t'as regardé que ça ou quoi? Ah bah elle l'a maté toute l'interview. Hein, toute l'interview elle l'a maté. Sigourney, il y avait moins. Ah bah elle a de l'âge évidemment. Elle a joué dans Desperate Housewives. Ah ouais. Grave, ouais. Elle a encore du charme. Ouais, mais elle a de l'âge. C'est vrai. Voilà. Bon, donc Avatar, ce soir, on en parlera puisque le film sort mercredi dans toutes les salles et en 3D dans certaines salles avec énergie. On parlera également. Alors, je sais pas si vous vous souvenez de la Barbie Burka. Oui, nous. Savez, la... C'est une des Barbies qu'on avait présentées au grand public. Ouais, on avait imaginé ça, ouais. Non, qu'on avait imaginé surtout. Ouais. Qu'on avait imaginé pour le grand public. Eh ben, elle va vraiment sortir. C'est ouf, hein. Voilà. Bon, on en reparlera un petit tu peu plus tard. Tu crois qu'on les a inspirés? Et puis, je sais pas. Mais sûr, j'espère. Hein. Enfin, si c'est le cas, je demande légère rétribution. Un 0.5%. Oui, mais je crois que. De Barbies, ça nous fera notre life. Hein. On s'est rendu compte il n'y a pas très longtemps que quelqu'un avait déjà inventé ça avant nous. Ah merde. Ouais. Bon, bah, 1 milliard de Barbies vendues sur Terre. Ah ouais, bah tu vois, c'est pour ça que je dis 0.5%, c'est parfait déjà. Oui, j'ai regardé la 6 hier. Ah d'accord, ok, très bien. Bon, et puis Berlusconi, on l'aura au téléphone dans pas longtemps, là, il s'est fait agresser là. Ah, il s'est fait démonter la tronche. Il s'est fait défoncer la gueule. C'est le sang hier, mais grave. Et pareil que Rihanna, hein. Mais ouais, franchement, tu l'as vu, il me faisait presque de la peine. Pourtant, c'est, enfin, tu vois ce que je veux dire. On n'exagérons pas, mais. Non, mais tu sais, tu le voyais défoncer, tu dis, ah, le pauvre, il va avoir mal. N'empêche, le mec, il devait avoir une de ses forces pour le mettre comme ça. D'un statut dans la tronche. Ouais, mais tu reçois une statue, mec. Non, il y a plusieurs. Il a reçu un point. Il y a plusieurs. Ouais, mais il y a plusieurs théories. Alors, il y en a qui disent qu'il s'est pris un coup de poing. Il y en a d'autres qui, effectivement, qui parlent d'une statuette. Bon, alors vu les dégâts sur le visage, je pense que c'est une statuette. Ouais, je pense, ouais. Ils disent que, en fait, Silvio Berlusconi était au concert de Kid Cudi parce qu'il a bastonné. Ah bon? De ses fans Kid Cudi ce week-end. Ouais, ou Pitbull. Ouais, ou une chaussure comme ouais, ou peut-être. Ouais. Si on peut essayer sur la tête d'Otof ou Duroux, il y en a un qui donne un point, l'autre qui met une statue de chaque côté pour voir. Pour comparer, je prends les blessures. Hein. On va faire CSI, les experts à la radio. Très bien, je mettrai donc la statue dans la tête Duroux. Non, bon, j'ai dit je prends le point. Si tu veux. Bah, vous débrouillez. Hein. Je prends le point dans la gueule. Y a pas de problème. Bon, et puis le répondeur aussi au 01 40 71 3400. Vous pouvez écouter bien sûr les messages que vous nous avez laissés. Et puis nous, on va les écouter surtout maintenant. Écoutez. Pour écouter vos messages, pressez le 1. Ouais, je tiens à dire à toute l'équipe de Mickaël, moi tous les soirs j'écoute le Franchement, je tiens à dire que grâce à cette émission, franchement, je suis devenu le premier de ma classe grâce à ça. Je sais combien fois un bus 1, je sais où se trouve la France, elle se trouve de l'autre côté du monde. Moi, grâce à l'émission le Polo Show, j'ai un QI pas plus gros qu'une fourmi. Ouais, ciao l'équipe. Fin du message. Message suivant. Ouais, Mickaël, je voudrais lancer un grand coup de gueule. Moi, j'ai un gros problème, hein, c'est que quand j'écoute votre émission, le soir, je sens l'odeur du roux par le caisson de basse. Je sais pas comment ça se produit, mais quand le caisson de basse met en marche, je sens l'odeur du roux qui sort par les vents du caisson. Alors faites quelque chose, dites-lui de se laver, offrez-lui pour nous du gel douche ou du parfum, tout ce que vous voulez. Parce que moi, je suis obligé d'arrêter le caisson et moi, je peux pas écouter l'émission dans cette condition. Allez, merci de votre compréhension. Salut. Écoute sans les basses. Message suivant. Ouais, c'est l'équipe, j'ai compris que vous voulez contacter au Walid. Bah, je vous informe qu'il est sur Facebook, hein, je suis même ami avec lui. Et apparemment, c'est vraiment lui en plus, parce qu'il a des activités d'avant qu'il ait mis sa vidéo. Je trouve que j'ai mis un petit message pour le prévenir qu'il y a une émission qui voulait le contacter. Ouais, ce serait bien que vous lui dites directement. Fin du message. Ouais. Message suivant. Bon, alors, en fait, j'ai une info de la plus grande importance. Parce que je suis inadmissible. Là, ça peut plus aller. Déjà, avec Saucisse, le film qui a révolté la saucisse dans toute la France, maintenant, je comprends que en 2047, ils ont annoncé le dernier épisode, Saucissant. Fin du message. Message suivant. La vie d'une femme est un vrai conte de fées, et c'est sûrement pas Sandro qui va dire le contraire. On fait le ménage, on fait le repassage, on fait la cuisine, on fait la fellation... Et en plus de ça, on doit pas faire chier. Fin des nouveaux messages. Ah, par contre, elle ferme pas sa gueule, et ça, c'est pas bien. Bon, on fait gagner qui alors? Déjà, parce que beaucoup. Là, ce soir, c'est beaucoup de messages informatifs. Ouais. Tu vois, il y a pas mais vraiment bien, une coup bien. De gueule. Mais oui, parce que effectivement, on y arrive tout doucement à. Pourquoi à notre ami Walid, qu'on a découvert la semaine dernière. Voilà, il y a eu un nouveau single qui est sorti, mais le son était moins bon, donc on reste sur celui-là évidemment, hein, puisque bon là c'est quand même une œuvre, des paroles originales en tout cas. Un autre extrait. Ouais, un extrait si tu veux. Ouais, je sais pas si Jack il est dans la machine. Je vais les mettre chez moi aussi tous. Sors avec Chris, nouvel amour de toi. Tu sors avec Chris, tu m'en dis pas ça. Tu sors avec nouvel amour de toi. Le plus bel amour Alisson, de toi. Pourquoi Alisson. Tu fais ma ça. Tu fais ma ça. Voilà. Bon, donc c'était notre découverte de la semaine dernière. Alors, valide. Et on est vraiment sur le coup. On est sur le coup. Vous inquiétez pas, on gère. Bah justement, on s'inquiète. Non. Si. Non, on l'a contacté. Ouais. Ah, tu l'as eu? Elle a dit pourquoi tu viens pas, tu m'as fait pas ça. Mes assistants l'ont eu. Ah bon? Il y a Michel un petit problème au niveau de la traduction, mais on va s'arranger. Très bien. Micha qui l'a eu. Ah ouais, bon, dans la merde. T'as demandé un autographe, Micha? Ah bah oui. Par mail. Il va nous envoyer des autographes et des posters. Ah, on d'accord. On fera gagner aux auditeurs. Bon, bah très bien, parfait. Bon, et puis ce soir, les 1000 euros qui vont tomber, dès que le signal retentit, le signal c'est ça. 1000 euros cash. Voilà, donc si vous entendez ça après la pub, pendant la pub, pendant un disque, pendant qu'on parle, n'importe quand, 611 12, débutez votre message par NRJ, puis vous mettez 1000 en chiffres évidemment, hein, vous emmerdez pas, mettez lettres. En chiffres romains d'ailleurs. Voilà, en chiffres tout court avec votre numéro de téléphone, on vous rappelle, on vous file 1000 euros cash. Ça peut être bien ça pour tes vacances, pour une fin d'année. Oui, mais je les aurais pas, ça. Ah non, non, mais enfin, c'est pas grave. Bon, et puis on aura aussi des DVD de Cléopâtre à vous filer, des places de ciné pour Avatar, puisque Sigourney Weaver et Samuel Worthington, les deux acteurs principaux du film, seront avec nous tout à l'heure avant minuit, des DVD de Neuilly sa mère, des compil énergie de 2010, des street surfing qu'on vous avait déjà filé il y a quelques temps, ça. Là, et puis des places pour Rennes PSG, Saint-Etienne, Marseille également, et puis l'âge de glace 3. Ça va très très bien avec la température qu'il y a dehors. C'est là, ça l'âge arrive. De glace 3, le temps des dinosaures en DVD et en Blu-ray. D'ailleurs, dites-nous hein, où vous soyez en France, même en Suisse, si vous nous écoutez là-bas, quelle température il a fait ce week-end et surtout aujourd'hui et ce matin. Oui, émission spéciale météo ce soir. Non, non, mais pour voir un peu où est-ce que ça a été le plus froid là. 612, débutez votre message par énergie et puis vous laissez votre ville, votre température et votre numéro de téléphone. Voilà. Bon, et il y a. Vous repartez avec des doudounes. Voilà, et il y a Mélanie qui est là maintenant de deux villes ou des villes. Comment on dit, Mélanie? On dit des villes. On dit des villes dans le 08, donc. Là, il fait froid dans du le 08. Diable, hein, donc. Ouais. Ah non, dans le 08, je suis con. Il fait... C'est où le 08? Chaque fois, je confonds avec les numéros. C'est les Ardennes, Ouais. Ça, c'est dur. Donc, froid. Par contre, je suis curieux de savoir combien il a fait dans le Doubs, la région la plus froide de France. Le Jura, ouais. On a dû arriver à moins 10. Ah bah là, ils ont gelé, hein, donc ils pourront pas nous appeler. Hein. Minimum moins 10, je pense. Hein. Dites-nous, ouais. Faudra attendre le printemps pour qu'ils puissent nous rappeler. C'est ça, ouais. Bon, Mélanie, tu nous appelles pourquoi? Ah oui, oui, oui. Je sais pourquoi tu nous appelles, j'ai vu dans le standard. Vas-y, dis-nous. Ah. Oui. Je vous appelle parce que je sais pas comment casser avec mon copain. Tu sais pas comment larguer ton copain? Voilà, exactement. Bah, c'est facile, tu dis vache ta mère. Tu veux une excuse, c'est ça? Non, ouais, c'est même pas ça, c'est quelqu'un d'assez sensible en fait, donc j'ai peur de lui faire du mal. Mais il faut pas, il va apprendre, hein. Il va pleurer un bon coup et puis il apprendra de sa rupture. Et tu le caresses et tu lui annonces. Mais non, mais pourquoi tu veux casser? Ben, je sais pas, c'est plus comme avant, plus de sentiments, et puis j'ai l'impression qu'il préfère sa bagnole à moi, et au bout d'un moment, ça... Reste avec lui, vous finirez dans... Confessions intimes. T'as une très bonne excuse, là. Sinon, c'est Noël qui arrive, tu lui offres un parachute, et tu lui fais, tiens, c'est parce que je te largue. Ah, ça, c'est nul, par contre. Hein. Ouais, mais tu lui offres un vrai saut au parachute, alors. Tant qu'à faire. À la limite, moi, ça me dérangerait moins si j'ai vraiment le saut en parachute. Une de perdue. Hein. Oui. Ouais, c'est ça. Bah voilà, on va pas se faire chier non plus pendant 107 ans. Hein. Bah, il sera seul pour les fêtes. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, ouais. C'est... Voilà, attends les fêtes alors. Ouais. Non, quand même. Faut pas se forcer. Si, toi, tu lui fais un petit cadeau de merde en espérant que lui te fasse un truc sympa et après tu le vires. Ouais. Ouais, mais ça s'appelle une pute, hein, je crois. J'ai pas envie. Puis j'ai pas envie de faire ça méchamment, en fait, parce que c'est quelqu'un que j'aime bien, mais enfin, il y a plus la petite étincelle qu'il y avait au début, quoi. Et puis t'en as un autre. Mais je sais pas si on peut le larguer gentiment. Il y a un moment, de toute façon, il y a moyen, mais il faut que les deux soient conscients que ça parte en couille, quoi. Ouais, ça sert à rien d'être méchant, de toute façon. Oui, autant prendre ça à la rigolade qu'on fasse chérie, je t'ai fait cocu. Mais oui, mais voilà, exactement. Bon, bah dites-nous si vous avez des excuses toutes faites, parce que vous allez la voir. C'est quoi la pire excuse, toi, Tof? Tu dois avoir des tonnes, non? Des excuses, quoi, pour larguer? Ouais. Non, je rappelle plus, puis c'est bon. Non, mais après, elle te rappelle, la meuf. Bah, tu réponds pas. Bah, tu réponds pas. Tu fais le sous-marin, quoi. Pourquoi tu crois qu'il a 700 appels en absence à la fin de l'émission? Ouais. Voilà, ça même par mail. Tof est lâche, hein, c'est connu. Il hein. y a un message de Didier qui est arrivé par SMS. Didier, 25 ans du 34, qui dit: ma copine dit que je suis ringard. La solution, c'est un gros looking. Grâce à vos 1000 euros, faites de moi le nouveau Beckham. Oui, non, parce que franchement, Didier, t'as beau être looké, si t'es ringard dans ta tête, t'es ringard. Et ouais, c'est vrai. C'est un état d'esprit. Ouais, non, c'est vrai. C'est surtout qu'on va pas te filer 1000 euros pour que tu rachètes des fringues de merde. Qui plus est, ouais. Bon, reste avec nous, Mélanie. On va demander l'avis des filles, des mecs. Dites-nous, 612, débutez votre message par énergie. Si vous avez. Mon amour, pourquoi? Ah, il y a les fans. Ouais. C'est bon, vrai qu'on pourrait demander qu'ils soient Energy Music Awards. Mais oui. Ah bah attends. Et dans le hit avec Cash et tout. Bah ouais. Bien sûr, votez pour lui. Ça serait drôle. On verra quand il sera venu. Bon, et donc je disais, si vous avez des excuses toutes faites, hein, n'hésitez pas. Surtout des excuses spéciales avant Noël. Excuse bien pourrie, quoi. Ouais, voilà, qu'on puisse un peu se marrer, quoi. Donc 612, débutez votre message par énergie ou sur mikl.fm. Et puis bonne nouvelle, bon, le site n'est pas encore fini, mais je l'ai quand même lancé. Le Paris Saint-Germain gagne 3-0. Ouais, un miracle. Hein. Donc mikl.rock.com, ça y est, ça marche. Hein, si vous voulez écouter Mikl Rock Station, mais à partir de minuit. Hein. Ah. Mais non, ça marche déjà maintenant. Tu fais pas de la concurrence à toi-même. Non, mais voilà, c'est ça. Ah, non, mais ça tourne. Mais je veux dire, écoutez l'émission et puis après, bah voilà, vous vous reconnecterez à minuit jusqu'à 9h du soir, quoi. Ouais. Hein, ça me paraît honnête, quoi. Mikl, le podcast. Vous avez dit qu'on allait parler là de Berlusconi. Là, il s'était pris une grosse patate dans la gueule là ce week-end. Violent. Hein. Ouais. Non, ouais, je pense très violent. Ouais. Bon, enfin, je pense qu'en même temps, il l'avait mérité un peu hein, avec toutes les conneries qu'il a fait. Non, mais c'est pas la question. Non, mais après, il s'en est pris quand même une belle dans la tronche. Hein, mais enfin bon. Bon, bah justement, ce grand chef de l'Italie, là, justement, je pense qu'on dit président, pas chef. Oui, enfin bref, il s'est fait donc tabasser, quoi. C'est aussi simple que ça, quoi. C'est par celui qui a opéré Johnny Hallyday ou... Ah non, rien à voir, en fait. Donc il s'est fait taper pendant un meeting, c'était dimanche, là. Mais je pense que le mieux pour en parler, c'est comme je l'ai dit depuis le début, essayer d'avoir notre ami Silvio au téléphone. Attends, il est déjà au standard. Oh, quelle rapidité, Micha, oh là là, c'est énorme. Allô, Silvio ? Si, Fonto, comment ça ? Ah, on comprend rien, pas très bien, hein, ce que vous dites, Silvio, là. Ah ouais, bah, il m'a cassé les dents, ce soir ou pas. Attends, je crois que je vais cracher. Voilà, ça va mieux comme ça, non? Ah ouais, c'est mieux. Bon, alors Silvio, là, qu'est-ce qui s'est passé? Bah rien, c'était la finale, il y avait un partout. Alors pour le déstabiliser, j'ai un peu insulté sa sœur et il m'a mis un coup de boule. Bon, finalement, il a été expulsé et on a gagné la Coupe du Monde. Hein. Et vous devez être sacrément sonné, là. Hein. Vous prenez pour Materazzi, c'est ça, Silvio? Non, mais c'est une métaphore. Pour dire que je suis une victime et que si on m'en veut, c'est parce que je dérange. Voilà. Et ça, c'est beau signe, non? Je suis le chef d'État le plus apprécié au monde. Ouais, en fait, il est encore bien sous le choc, apparemment. Hein. Ouais. Bon, alors, pourquoi il s'en est pris à vous, le gars, là? Ma c'est un fou. Ma ça, c'est pas sympa. Ma c'est pas comme ça, l'Italie. Ouais. Hein, ça fait 10 ans qu'il est suivi par des psychologues, c'est tout. Ouais, mais vous faites un peu pitié, là, vous avez même pas essayé de vous défendre. Ah ouais, tu me prends pour François Bayrou ou quoi? Moi, je tape pas les gens, ça leur donne trop d'honneur. Après, ils vont se vanter partout, que Silvio les a touchés. Tu sais, je suis un peu comme Jésus, quoi. Oula. Mais oui, mais bon, vous avez rien dit non plus, quoi, hein? Ah ouais, tu me prends pour Nicolas Sarkozy ou quoi? Ah oui, enfin bon. Moi, j'insulte pas les gens. Ça leur fait quoi que je m'intéresse à eux? Non, mais on s'en branle, des gens, merde. On est des hommes politiques, c'est pas notre métier, hein. Ouais, ouais, ouais, bah, quand je vous entends, là, je commence à comprendre pourquoi vous vous faites taper, hein. Bon, ça va, le handicap, là? Pas trop de blessures, tout ça, non ou pas? Oh, tu sais, moi, tant que la bite va, tout va, hein. Ouais, bah, enfin, Silvio, là, c'est chaud ce que vous dites, quand même. Oh oui, bah, c'est sympa, c'est comme ça, l'Italie. Ouais, c'est comme ça, l'Italie, mais enfin, bon. Oh, tu sais, c'est pas grâce à ma gueule que je pouvais taquiner les lasagnes tous les jeux de demoiselles, hein. Oh. Faut pas se voiler la face, hein. Taquiner les lasagnes? Bah oui, lécher le tiramisu, enfourner la pizza, dérouiller le cannelloni, tu vois, quoi. Oui, c'est bon, on a compris, Silvio. Bon, bah, on espère que vous serez vite rétabli, quand même, hein. Bah ouais, mon coco, t'en fais pas pour moi, je suis un rock. Ah bon, non. Et vous serez présent au sommet de Copenhague alors, du coup, si vous êtes un rock? Allez, j'ai mal. Ça me lance sous un coup, là, je peux plus bouger. Ouais, bon, bah c'est pas gagné, quoi. Bon, bah écoutez, merci Silvio, et puis bah soignez-vous bien, et puis Forza Italia, hein. Si, Forza Italia. Ouais, c'est ça. Allez, au revoir Silvio, hein, bon rétablissement, hein. Ciao, Silvio. Il est complètement con. Ah bah, il est sous choc, il souffre. Non, enfin, il est sous choc de quoi? Il a reçu une petite patate. Ensemble. Mais c'est bien, ça va lui permettre de faire une belle émission en prime time sur le TF1 italien. Et puis, ah voilà. oui. Comment s'appelle le TF1? Raiuno. Non, ça c'est France 2, ça. Ah oui, tu as raison. Mais non, je crois que c'est la chaîne la plus regardée en Italie. Ah ouais, c'est pas Rete 4 ou Telecinco, un truc comme ça, non? Telecinco, c'est son ancien... Ah bah c'est ça. Ouais, c'est ça, le TF1 italien. Non, mais c'est Berlusconi. Ouais, oui. Mais c'est ouf, le mec fait quand même des samedis soirs prime time, des émissions qui sont consacrées à lui. Mais c'est mais raison. C'est drôle, imagine Nikos qui vient au grand duel des chorales. Nicolas Sarkozy, pardon. Nicolas, ouais. Qui viendrait coacher sa propre chorale. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être drôle, mais je suis pas sûr que ça suive au niveau audience. Hein. Si. Tu crois? Si, bah oui, bah, il dans fait la des première fois tout le temps, Sarkozy, là. Ouais, mais c'est pas, tu peux pas dire, hein, ce soir on paye les sketchs, tu vois. Il fera un lip dub. Ouais, bon, enfin bon, je sais pas. C'est drôle, regarderait, je pense, pour Nicolas Sarkozy, non? Mais oui, bien sûr. C'est marrant. Mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui regarderaient juste parce que c'est lui, hein. Oui, la première fois, mais après, tu vas pas passer ta vie là-dessus non plus, quoi. Bah regarde, Ségolène Royal, elle a fait un one-man show. Bon, t'es pas drôle, c'était le seul paramètre bizarre. Mais... Dommage pour un one-man show. Hein. Ah oui, c'est quand même vraiment con, hein. Bon, Mélanie! Non, excuse-moi. Hop là, c'est ma faute. Mélanie ! Oui. Ah, très bien. Bon, Mélanie qui nous avait appelé en début d'émission, là, parce que elle voulait têche son mec, mais elle savait pas trop comment faire. Et ça tombe bien, finalement, puisque, bon, on a quand même essayé de regarder, enfin, j'ai tapé sur Google, 10 bons plans pour têche son mec. Bon, j'ai eu beaucoup de mal à trouver, mais j'ai trouvé un truc. Et tu as trouvé ? J'ai trouvé le top 10 des excuses bidons pour casser. Alors ça, j'aimerais bien entendre ce que c'est. Alors ça peut, ça peut être pas mal. Alors prends des notes, hein, au pire, ça peut toujours servir. Hein. Et pareil, si vous êtes vous derrière la radio, vous avez comme comme Mélanie envie de dégager votre mec avant le avant les fêtes. C'est mieux qu'avant la Saint-Valentin. Oh, je sais pas. Ah, je sais pas, c'est moins non, flag, parce que. Parce qu'avant Noël, tu vois, t'es triste, machin, tout ça, et après, ouais, tout seul comme un con, mais Saint-Valentin, t'en profites pour aller dans les soirées spéciales célibataires, et tu te refais. Oui, mais puis, Noël, t'as les cadeaux de, des autres membres de ta famille et tout. Et ouais. Pour les fêtes de fin d'année, c'est pareil, t'es peut-être tout seul pour Noël, mais en même temps, Noël, t'es en famille, et puis il y a quand même le jour de l'an qui arrive. Et voilà. Mais si t'as pas de famille. Tu sens célibataire. Oui, bah t'as le jour de l'an quand même. Ouais, mais enfin, bon, avec ça, Noël, t'es tout seul. Oui, mais Noël, tu fais en famille. Ouais, mais pour. Si t'as pas de famille, si ton mec ou ta mère, il a de la famille, il sera dans sa famille de toute façon. Donc, Ouais, ouais. Et puis si t'as pas de famille, t'es habitué à être seul. Donc ça va te faire chier, quoi. Je crois qu'il y a pas d'heure pour jeter sa meuf. Tu fais. Ouais, tu fais Noël en famille, toi, Roux ? Bah, non. Oh, le pauvre, ta famille veut pas de toi. Non, non, mais c'est pas. C'est nous, ta famille, c'est ça qui veut te dire, Michael. Ouais, voilà. Tout à fait, Jack. C'est vous, c'est ça, les... ouais. La famille. Exactement, c'est pour ça qu'on sera là le 24 au soir. C'est qui ton papa? Monsieur avec la caméra là-bas. Comment, comment elle s'appelle ta maman? Ma maman, elle s'appelle Sandro. Oh, quelle horreur. Il est gâté. Ouais, parce que, bah, oui, on dirait Jacques Martin. Vous avez pas la même. Bah, c'est ça. Ouais. Par contre, vous avez pas la même peau avec Sandro. Le même quoi? La même, même peau. C'est à cause de son papa. Ah ouais, c'est à cause du papa. Elle a couché avec un Polonais. J'ai couché avec Casper, donc il a plus pris de son papa. Apparemment, vu que c'est la seule meuf, c'est notre mère à tous, elle a couché avec plusieurs gars différents. Ah ouais, je te crois. C'était pour respecter les traditions du Nord. Je pense que pour Toff, elle a dû coucher avec un âne. J'ai fait une insémination. Je voulais pas connaître le père. Le pire, c'est Toff. J'aurais dû finalement. Ah ouais, ouais. Bon, Mélanie, donc alors le top 10 des excuses pour casser. Donc alors attention, numéro 1. Lui dire j'aime pas ta façon de t'habiller. Oh, bah, c'est naze, mais c'est pourri. Ouais. Non, c'est les excuses du bidon. Hein. Mais toutes les meufs, on a toutes relooké nos mecs, quoi. Donc, bah, alors, ouais, quand en plus, ça sert à rien cette excuse. Ah bah, pourquoi? Parce qu'il va te dire, on l'a déjà. Oui, mais tu l'as déjà fait, chérie, tu m'as déjà rhabillé. Non, mais le pire, c'est la meuf, tu sais, elle passe sa vie à changer les mecs, et puis au bout de 2 ans, elle lui fait, t'es plus comme avant. Ouais. Ouais, c'est grave. C'est tombé, c'est mort. Ouais. Changé, je sais pas, il y a un truc qui va pas chez toi. J'ai déjà fait ça en plus. J'ai déjà fait. Et tout, donc il va pas. Enfin voilà, je pense qu'il le prendrait très mal en fait. Bon, bah écoute, laisse tomber. De toute façon, il va le prendre mal. Hein, bah, attends, là c'est déjà pas bon. Si tu lui dis j'aime pas ta façon de t'habiller, qu'il va le prendre très mal, t'es mal barré pour lui. Mais c'est moyen pour le redécaler. Mais c'est vrai que c'est encore gentil. C'est pas comme si j'attaquais plus sur le côté sexuel. Ouais, mais oui, c'est vrai. Bah, ce qu'il dit aussi pour le petit. Petite explication sur le site là de j'aime pas ta façon de t'habiller. Ils disent que c'est un peu pourri parce que au final les mecs c'est très facile, beaucoup plus facile qu'une fille. Tu lui dis voilà t'es mal sapé, viens on va aller faire les boutiques ensemble, le mec il va te suivre. Bah puis oui, si tu lui ça. Dis bah enlève ton jean et mets autre chose à la place, bah le mec il s'en fout. Alors qu'une fille tu lui dis t'es mal sapé, viens on va faire les courses. Non bah déjà elle va être vexée pendant 3 jours. Sauf si elle se dit ting ting ting ting. Oui. Si il y a des dollars dans les yeux. Elle dit parfait, on va aller faire les courses. Allez viens. La deuxième option est très bien, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Alors sinon il y a le point 2 aussi, les excuses bidons pour casser. Tu es trop flambeur, hein, donc c'est genre tu gaspilles tout, il y a un nouveau téléphone qui sort, faut que tu l'achètes, ça sert à rien. Il y a une nouvelle console qui sort, faut que tu l'achètes, ça sert à rien. Mais c'est pour ça comme excuse aussi. Bah oui. C'est des excuses bidons. Ouais, ça, c'est pour le mec, hein, cette excuse-là. Ah oui. En général, c'est plus les meufs qui flambent, qui claquent. Ah non, lui, il flambe aussi. Non mais ça dépend quel point, tu vois, les meufs c'est plus les fringues, maquillage, coiffeur. Bah voilà, et du coup lui, tout passe dans sa voiture et moi j'ai rien du coup. C'est ça. T'as qu'à travailler. Oui. Oui. Bah, oui, non, mais c'est pas le souci. Je suis étudiante, voilà, quoi, mais. Non, mais ça, c'est bon quand t'es mariée et femme et que finalement l'argent du gars, bon, mais t'en dis. Oui, mais un petit cadeau de temps en temps, c'est pas du mal. Eh bah, il t'a offert un joli néon qu'il a mis sous la voiture. C'est pour toi, chérie. C'est ça, oui. C'est pour. Il a accordé la lumière à ton maquillage. Bah ouais, regarde les gens. L'éclairage, en fait, t'as pas compris. Les gens te sont assortis à tes boucles d'oreilles. Et d'ailleurs, il a recyclé puisque les petits dés en peluche qu'il a mis sur le rétroviseur, tu peux les mettre en boucles d'oreilles. Bon, et puis sinon, le numéro 3, tu passes trop de temps avec tes potes, j'en peux plus. Ouais. Ça, ouais. Ça marche bien, je pense. Imparable. Sauf s'il n'y a pas de potes. Ouais. Okay. Sauf s'il n'y a pas de potes, ouais. Il a des amis ou pas, dire un mec qui reste à la maison. Ouais, il a des amis, mais enfin, il passe pas plus de temps avec, donc pareil, ce serait une excuse assez ouais. Bidon. Ouais, mais bon, ça, t'es une fille, donc tu peux inventer. Hein, c'est ça. Tu vois. Bon, il veut dire, si, rappelle-toi, il y a 3 ans, t'as fait ça pendant 2 heures. Bon, il reste encore 2 points, on va en parler dans quelques instants. Ne bougez pas, on va se faire le jeu des amis aussi, et puis on aura tout à l'heure Sigourney Weaver et Samuel Worthington, les deux acteurs principaux du film Avatar qu'on a été interviewé la semaine dernière. Michael, le podcast. Bon, avant de reparler des bons plans et des plans bidons surtout pour casser avec une meuf, on a Pascal qui est là. Salut Pascal. Comment ça va? Pas bien. Bah tant mieux. Bon Pascal, t'appelles du 13 dans la région marseillaise, avec Marseille qui a gagné ce week-end. Oui, 2-0 contre Boulogne. Exactement. Avec une grande conférence de presse de Didier Deschamps qui a dit voilà, on n'a pas pris de but et on en a mis deux. Il a fumé quoi? Deschamps ou c'était une catastrophe. Je sais pas. Mais on parlera du foot tout à l'heure, hein, puisque malgré cette victoire, le PSG est toujours en deuxième partie de tableau. Non. Ah non, c'est vrai, c'est vrai. On est premier de... Non, mais ce qui est beau, c'est que surtout, vous n'êtes qu'à un point de Lyon, qui est 9e. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. C'est on a eu les tirages de la Coupe de France. Attention, il y a des matchs à parater. Ah, bon, on en parlera tout à l'heure dans les Afro Foot. Ne bougez surtout pas. Bon, Pascal, on va faire le jeu des amis. Oui. Ok, très bien, d'accord, parfait. Jeu des amis, maintenant, donc, on va jouer. On va appeler qui? Renaud, Johan ou Anaïs? J'aimerais bien Anaïs quand même. Tranquille. Eh ben écoute Anaïs, on va essayer de l'appeler. Alors c'est parti, on va faire le jeu des amis. Je lui pose 10 questions, si elle répond bien à 6 sur 10, c'est gagné. Et on jouera au chéri, je t'ai fait cocu aussi tout à l'heure. Si vous voulez vous inscrire, 6-11-12. Débutez votre message par énergie, puis vous mettez cocu et votre numéro de téléphone. Et bien sûr, il y aura des cadeaux si vous êtes doué. Oui, Anaïs. Oui. Salut Anaïs, c'est Mickaël, t'es en direct à la radio sur Énergie, tu vas bien? Non, oui, si. Ça va bien vous? Ça va Anaïs. Je t'appelle avec Pascal qui est dans le standard, tu connais Pascal? Oui. Bon, je vais te poser 10 questions à son sujet, si tu réponds bien à 6 sur 10, ce sera gagné pour vous deux, d'accord? Ok. Bon, parfait. Allez, et souhaitons bonne nuit à Sandro qui va s'endormir dans une dizaine de secondes. C'est le froid qui me fait ça, mais j'ai commandé un crunch et un chocolat chaud. Ah bah oui, bah oui. Ah, c'est les fêtes, on commence le chocolat. Hein. C'est ça, t'as raison. Ouais. Bon, on y va avec nos candidats maintenant, attention. Exactement, Tex, on va y aller avec nos candidats. Anaïs, je te pose donc 10 questions, tu dois répondre bien à 6 sur 10 minimum pour gagner tous les deux. Il faut répondre du tac au tac, et si tu sais pas, tu passes, et ce sera donc considéré comme une mauvaise réponse, d'accord? D'accord. Allez, attention, première question, c'est parti. Quel est son plat favori? Asiatique. Oui, cuisine asiatique, bonne réponse. Quel est son style de musique préféré? Le rock. Oui, alors mikaelrock.com. Oui. Tiens de rappeler, nouvelle web radio rock, hein, bien évidemment, d'émission que vous pouvez écouter sur mikaelrock.com. Quelle est la marque de sa voiture? Ou de son scooter, enfin bref, de son véhicule? Citroën. Non, Peugeot. Ah ouais, on y était presque. Hein. C'est français également, mais malheureusement, ce n'est pas la même chose. Quelle est sa position sexuelle préférée? La levrette. Comment tu sais? Parce qu'elle a testé. Vous avez testé? Oui. Très bien. Mais t'es ça, t'es Pascal. C'est ta meuf ou c'est juste un comme ça? Non, c'est ma meuf. Ah, une faciale. J'avais pas dit ça. Peut-être qu'elle a meuf, elle connaît pas la marque de ta voiture. Ouais, ouais. Bah si elle a confondu. Peugeot Citroën. Ouais, je serai la première à pas savoir. Hein. Bah voilà. Michel, t'as pas dit que c'était ma meuf. D'accord. Non, non, il a pas. Mais Michel, il fout rien de toute façon. Il est au chômage là. De toute façon, hein. Ça y est, c'est fait. Il est en vacances. Marqué, hein. C'est marqué dans le standard. Maintenant. Mais non, ça y était depuis le début, mec. Putain, Micha. Quel est le lieu le plus insolite où il est déjà fait l'amour? Voilà, on se marre avec lui, hein. Au lit. Eh oui, au lit, oui. D'accord. Ouais, tu te fais bien chier à la maison. Ah, putain, ouais, grave. Non, c'est bien, lui, franchement. Quel est son plus grand fantasme? Non, c'est le plus confortable. Enfin, ça va le plus original. Bon, quel est son plus grand fantasme? Je sais pas. Faire l'amour. Avec quelqu'un d'autre. Oui, avec Scarlett Johansson. Ah oui, ça va. Embrouille ce soir, embrouille. Voilà. Ouais. Bon, alors, combien de fois se masturbe-t-il par semaine? 3. Oui, alors j'ai envie de dire, tu travailles pas assez s'il est obligé de s'astiquer sur le côté autant de fois. Hein. Enfin, bah, non, ça va. Ça n'a rien à voir. 3, ça va. 3, ça va. Ouais, vous allez passer pour un petit joueur. Bah, quand même, 3 fois s'ils sont ensemble tous les jours. Non, 3 fois ça va, franchement, c'est un autre plaisir, c'est pas... Oui, non, mais je peux le contraire, mais bon, ok, d'accord. C'est juste pour bien dormir, hein. Oui, voilà. Oui, non, c'est vrai, tant qu'à faire. S'il se branlait une fois par jour, ouais, je dirais, ouais, elle travaille pas assez, mais là, non, 3 fois ça va. Combien de piercings possède-t-il? 0. Non, 1. Il a... Oui, la boucle d'oreille, c'est bizarre que tu ne saches pas ça. Ouais, mais c'est bizarre. Souvent, la boucle d'oreille, tu mets à part du piercing, je crois. Bah, ouais, bah pourtant, c'est bizarre, mais faire exprès de perdre, ça serait quand même. Ouais, c'est vrai. Non, mais je savais qu'il avait une boucle d'oreille, mais j'ai pas compté comme ouais, c'est vrai, bah tant pis. C'est vrai qu'on compte pas ça comme un piercing. Ouais. Est-ce qu'il a une tache de naissance? Si oui, où? Oui, au ventre. Non, à la jambe. Au ventre aussi, je l'ai pas indiqué. Ah, ouais, c'est dommage. Ah, bah, dommage. Oh là là, embrouille ce soir. Eh ouais, c'est dommage. Allez, une petite dernière. Si tu réponds mal, c'est le drame, hein, je vous le dis direct. Alors. Ouais, une patronne. Signe chinois. Non, pas du tout. Combien de partenaires sexuels a-t-il déjà eu? Oh, c'est dur. Oh non, elle, c'est elle. Deux bonnes réponses. Bah oui. Ah. C'est gagné. Ça, ouais, c'est les premières questions qu'on pose hein, quand ouais, on sort avec un mec. Ouais, t'as déjà couché ou pas? Avec qui? Combien? Oui, t'as eu combien de meufs? Et c'était qui la plus belle? Ouais, alors, le problème, tu es plus belle ou pas? Le problème après, c'est que tu sais, c'est qu'on on sait pas si c'est bien, si il faut s'enflammer en disant ouais, j'en ai eu beaucoup, c'est comme ça la meuf elle se dit cool, il a de l'expérience. Ou alors tu dis ouais, j'en ai eu beaucoup en disant putain, c'est un salaud le mec, il couche avec tout ce qui passe. Ouais, faut dire la vérité. Bah oui. Ouais. Bah oui, on... Ouais, c'est vrai. Ouais, mais sur une question comme ça. Hein. Bon, oui, bah ouais, oui. Le reste. Bon, c'est gagné Pascal, c'est gagné Anaïs. Super. Je vous fais des gros bisous et puis vous restez bien là, on va vous renvoyer chez Michel au standard et puis vous allez repartir avec vos cadeaux, d'accord? Merci beaucoup. Sinon, moi j'aurais pas apprécié la tâche, hein. Elle sait pas où c'est. C'est vrai. Ouais, j'avoue. Ouais. D'accord avec toi. Ouais, j'avoue. C'est assez honteux de la part de sa meuf. Ouais, sa propre meuf. Hein. Ça montre bien qu'elle en a fait. Ça se trouve, ton ex, elle aurait su, tu vois. Ouais. Peut-être. Peut-être, ouais. Peut-être. Oui, mais son ex ne prenait pas la sodomie. Ah, ça, l'un dans l'autre. Ah bah, je préfère la sodomie. Tu t'en fous hein, qu'elles se connaissent pas. Ah ouais, ouais, là, complètement, ouais. Bon, salut Pascal, salut Anaïs, joyeux Noël et bonne année. Merci. Oh non, ça y est, ça a Ah commencé. Bah, il faut, attends, on est à 15 jours de Noël, là. Du nouvel an. Bonne année. Bah, bonne année. Noël, c'est pas grave, parce qu'une fois que c'est passé, voilà, c'est fait. Ouais, voilà. Et la bonne année, putain. Ouais. Tout le monde te gaffe pendant Surtout un Surtout que mois. C'est jusqu'à fin janvier. Hein. Bah, c'est ça. D'ailleurs, vous pouvez démarrer sur Jack. Il adore ça, c'est son kiff. Bien sûr. Je peux donner ton adresse ou pas? Bah, en même temps, tout le monde la connaît. Hein. Ah oui, c'est vrai, jack@energie.com. Elle est finie cette adresse, faut donner une autre. Ah, oh, d'accord. Il est vénère. Bah, tu crois pas que j'allais te laisser comme ça, Jack? Bah, attends, je suis une amie. Jusqu'au bout. D'accord, très bien. Bon, allez, retour du jeu des amis demain 21h. Au paquet de rêve, les gants, tout au bing. Voilà, c'est du portugais. Bon, et le signal des 1000 euros qui va tomber avant minuit, ça c'est une certitude. On aura aussi dans quelques instants l'interview de Sigourney Weaver et de Samuel Worthington pour la sortie d'Avatar. Ce sera mercredi au ciné. Et puis on était sur le top 10 des excuses bidons pour casser. Alors on avait le premier, j'aime pas ta façon de t'habiller. Le 2, t'es trop flambeur. Le 3, tu passes trop de temps avec tes potes. Il y avait le 4, arrête tes ultimatums. C'est quoi ça? C'est plus les meufs qui font ça. Ouais. Bah, c'est quoi genre? Comme il dit, donc la pire des solutions est sans nul doute l'ultimatum. Pense-t-il qu'on apprécie d'être mis sous pression constamment, qu'on se sent respecté? Les ultimatums donnent une impression de fin inévitable. Comment dès lors s'investir dans cette relation? Mais s'il nous lance des ultimatums, ne serait-ce pas parce qu'il nous a demandé mille fois quelque chose qu'on refuse toujours obstinément? Genre, j'en reviens là-dessus. La sodomie. Voilà, par exemple, en disant, et la meuf dit non. Alors je dis, je te préviens. Je t'encule ou je te largue. Si dans le mois on n'a pas pratiqué, je te dégage. Ouais. C'est ça un ultimatum, tu vois. C'est de oui, dire, oui, ouais. Si t'as encore cette coupe de cheveux de merde dans un mois, je te dégage. Ouais, mais c'est un truc de meuf, ça. Ça peut marcher chez les filles aussi, cela dit. Ou alors le cinquième. Alors là, par contre, à mon avis, je crois mais que ça, c'est un truc de meuf. Ça, c'est ce que les femmes disent aux hommes. Hein, ça depuis tout à l'heure. Ouais, les meufs qui posent des ultimatums en général. C'est ça. C'est ce qu'on vient de te dire. C'est ce que les femmes disent aux meufs. Non, c'est ce que les femmes disent aux mecs. Oui, donc chérie, j'en ai marre de tes ultimatums. Ouais. Genre, mec, t'es mon mec, mais j'en ai marre de tes ultimatums. Ah oui, d'accord, voilà. Donc ça va pas. Et puis le 5, c'est pour le roux. À mon avis, il a déjà dû se faire têche beaucoup de fois avec ça. Tu manges comme un porc. Ah bah, t'es pas obligé de dire tu manges, t'es un porc. Oui, t'es un porc. T'es un porc, ça passe tout seul. Hein. Mais après, cela dit, c'est quand même difficile de dire à son mec, bon, écoute, je te quitte. Bah, pourquoi, chérie, tu manges comme un porc? Ouais, bah, si ça fait mille fois que tu lui dis, ça peut servir, hein. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est après, vrai. Faut pas abuser non plus. Bah, tu peux craquer. Ouais. Faut voir le temps. C'est-à-dire que si tu lui dis ça au bout de 3 ans, le mec, tu savais qu'il bouffait comme un porc. Tu dis ça après 15 jours, bon, passe encore, mais après 3 ans, effectivement, c'est bizarre, quoi. Bah, tu peux commencer, si tu lui as jamais dit. Tu commences 2 semaines avant. Ouais. Pendant 2 semaines, tu lui dis une fois tous les jours, en espérant qu'il change pas. Mmh. Alors toi, et dans 2 semaines, des tu agendas, peux le larguer. Ouais, c'est vrai. Bon, ça se travaille. Hein, le planning. Cela dit, on en reparlera encore des excuses à la con pour larguer son mec ou sa meuf. D'ailleurs, c'est un marché qui peut rapporter pas mal de thunes. Alors, on a tous évidemment besoin, à un moment ou un autre, d'une excuse à la con, surtout pour lourder sa meuf. Du coup, il y a une société qui a décidé de proposer des excuses à la con. Pour lourder sa meuf, t'envoie un SMS et il t'envoie une excuse à la con. Il en a récupéré la pub, écoutez. Toi aussi, tu te fais afficher par la presse internationale parce que tu trompes ta femme qui te pète ta bagnole et tu cherches une bonne excuse pour la lourder? Envoie Tiger Woods au 6-12-12. Toi non plus, tu n'en peux plus de ta femme hyper sexy mais limite dominatrice qui passe sa vie à adopter des enfants partout sur Terre. Plutôt que de mettre au monde ta semence et tu cherches une bonne excuse pour la lourder, envoie Brad Pitt au 6-12-12. toi aussi, t'es arrivé au stade où tu pourrais te taper toutes les meufs de la Terre. Beyoncé, Leona Lewis, Alicia Keys. Mais ta femme, c'est plutôt Michelle Obama et tu cherches une bonne excuse pour la lourder. Envoie Barack au 6-12-12. Et si toi aussi, tu as été un des plus grands footballeurs d'Angleterre, doublé d'un des plus beaux gosses de la décennie, mais ta femme te pompe toute ta thune, t'empêche de passer tes soirées avec tes potes à jouer à la PS3 et tu cherches une bonne excuse pour la lourder, envoie Beckham au 6-12-12. Tu recevras une excuse pour lourder ta grosse facilement et pouvoir enfin retrouver la vie dont tu rêves. Faut tester. Hein. T'essayeras ou pas? Oui, bien sûr. Parfait. Vous avez vu, j'ai pas vu la bagnole de Tiger Woods. Eh ouais. Qu'est-ce qu'il a? Eh ben en fait le mec il a un gros 4x4 et il roulait donc, sur la route forcément. Et la meuf elle lui courait après avec un club de golf pour le défoncer quoi. Sa meuf ou sa maîtresse? Non sa meuf quand elle a sa femme. Quand elle a appris toutes les maîtresses. Oui, elle a demandé, elle veut divorcer avant Noël. Mais lui courait avant Noël. Elle courait avec ses pieds. C'est lui était en voiture. Oh. Et sa voiture elle est défoncée. Quel bouffon. Mais non, parce que en fait c'est pas elle qui a défoncé la bagnole. C'est juste que lui à force de regarder derrière la meuf qui lui court après, bah, il tapait partout. Quel gogol. Michael, le podcast. Et ce soir on reçoit Sam Worthington et Sigourney Weaver pour le film Avatar qui sort le 16 décembre. Alors avant toute chose, bravo pour le film, on l'a vu vendredi, magnifique. Congratulations for the movie, it's absolutely amazing. Thank you. Thank It's a pleasure to have you. Je crois que Sigourney Weaver parle français. Oui, Sigourney Weaver parle français. Yes, but I love the translation. Elle aime beaucoup la traduction, donc ça va. Bon, quand vous avez lu le scénario la première fois, là, vous vous attendiez à un tel résultat ou pas? Were you expecting such a result when you first saw the script? Le script est tellement détaillé que bah, tu te demandes en fait comment tu peux bien le jouer et comment James Cameron pourrait y arriver en fait. C'est fantastique qu'il ait pu le retranscrire aussi bien et il réussit à amener le public sur une autre planète en fait. Il a réussi à les amener à bord du Titanic et maintenant il les emmène dans l'espace. J'avais d'énormes attentes après l'avoir lu tellement il est ambitieux et Cameron a comblé ses attentes et même dépassé 100 fois parce que voilà, il t'amène vraiment à Pandora, il te fait voler sur un oiseau préhistorique et faire tous ces trucs dont tu rêves. Things that you just dream of. Ça a été une super expérience. Est-ce que la marijuana est légale sur Pandora? He wonders if marijuana is legal in Pandora. What? Marijuana? Well, yeah. À Cameron d'en fumer pas mal quand il voit la couleur de la planète. Et je suis sûr qu'il y a pas mal de navis qui doivent kiffer. Est-ce que c'est dur de jouer dans un film où rien n'existe? Is it hard to play in a movie where basically nothing exists on the set? Well, what does exist is the other actor. So, yeah. The good thing is that les autres acteurs, ils existent. Du coup, bah, ça te ramène à l'essence même du métier d'acteur quand justement, il n'y a rien. En fait, on n'a jamais joué sans rien. C'est-à-dire qu'on mimait les bastons sur des poulets, par exemple. Mais voilà, sinon, c'est juste comme quand t'avais 5 ans et que tu jouais avec ton imagination, quoi. C'est vrai que tu as les autres acteurs et Cameron nous montrait toutes les créations et décors. Il y avait des photos qui nous entouraient avec les sols, la faune, la flore. Il te donnait toujours quelque chose à utiliser en fait. Il te dit voilà, ça c'est une cascade d'eau. Et après en fait t'étais libre de errer dans ce monde. C'est très libérateur et organique pour l'acteur, bien plus que de rester devant un fond vert à faire semblant que tu es dans un autre monde. Parce que ça, c'est très dur. Et comment vous êtes rentré dans les avatars? Il y avait un déguisement ou vous êtes... Est-ce qu'ils savaient à quoi ils allaient ressembler à la fin? Did you already know what would the avatar look like in the end? Oui, on savait. Surtout qu'on a fait 2 ou 3 000 scans de nos corps, donc on suivait l'évolution en fait. Body scans on you, so you tend to kind of get a good idea of how you're going to look and how you build up. Yeah. But I have to say, Sigourney's is you know, look. It's so like me. She didn't warn me. Je dois avouer que le mien est trop ressemblant. C'est-à-dire que j'avais vu des photos, mais bon, ça donnait pas pareil. Et puis de voir Jake se transformer de marine à guerrier, puis divinité avec les Mohawks et tout ça, c'est. The one who, you know, Tarak Makto, with all this. stuff, the mohawk and everything, I had no idea that was going to happen. And my one gets more muscular as it goes along. En plus, le mien devient de plus en plus musclé, donc ça c'est cool. Merci beaucoup à James. C'est-à-dire que plus je prenais du bide, plus mon avatar devenait balèze. Donc ça aussi, c'est très très cool. That's another good thing about performance. You don't have to look after yourself. Yeah. Et est-ce que vous pensez que comme pour Star Wars, Avatar va changer la façon de faire des films de science-fiction? So, do you think that like Star Wars, this movie Avatar will change the way to make a sci-fi movie? I think it's going to open up a lot more doors and actually give a lot more film out. Ah, ça va ouvrir des portes en fait, hein, et enlever la peur des réalisateurs à faire de la capture de mouvement en fait. Mais bon, si l'histoire n'a pas de cœur, toutes les machines du monde ne servent à rien en fait. Bon, maintenant c'est clair que Star Wars va prendre un petit coup de vieux, hein. Bon, même si en découvrant l'histoire, je trouvais que ça faisait fort années 80. Bon, j'imagine que c'est parce qu'il a commencé à l'écrire en 80 en fait. Built anyone from 8 to 80. That's how I've been looking at it. That's what I'm trying to figure out. Actually, I think this movie will transform all movie making because moi je pense que ce film va changer tous les films, pas que la science-fiction. C'est-à-dire qu'il a mis la barre si haut pour les gros films que les gens vont avoir envie encore de ressentir cette sensation de partir dans un autre monde. Je suis très critique d'habitude des effets spéciaux et dans les films récents, je les trouve très très mauvais. Mais dans celui-ci, tu remarques même pas la technologie. C'est tout autour de toi en fait, tu en fais partie. That I think is such a game changer that ça c'est une vraie nouveauté qui va se répercuter sur tous les films. La 3D est une manière complètement légitime pour filmer des drames ou n'importe quelle bonne histoire. C'est l'équivalent du passage du noir et blanc à la couleur. Et c'est une évolution tout aussi naturelle. Est-ce que finalement c'est pas la salle de ciné qui est à la ramasse? Parce que c'est toujours que tu regardes un truc en face de toi, c'est plus autour de toi. Et la 3D a donné ça. He thinks that now it's theater that will have to improve their installation to be connected with the 3D to make it all around. That's a nice idea. I've also said. Oui, c'est une belle idée. Moi, je pense qu'on va carrément avoir des lasers dans les yeux bientôt. C'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin des lunettes. Parce que l'autre soir, on a carrément vu des problèmes de buée sur des lunettes. Donc, faudrait déjà installer des essuie-glaces et des trucs comme ça. On est très impressionnés d'apprendre que la France a plus de cinéma 3D que tout le reste du monde. Bravo la France. Et James Cameron donc a mis 15 ans pour faire le film. Et vous avez mis combien de temps pour vous préparer et faire le film complètement? James Cameron took 15 years to make this movie. How long have you been working on it? I first met Jim in 2006. J'ai rencontré James en 2006 pour la première fois. Et bon, je pense qu'on est toujours occupé sur ce film bien après la sortie en fait. Met him. So what is that? Yeah. 3 years. Sent me the script in September of 2006. Il m'a envoyé le script en septembre 2006. Je l'ai lu et je me suis dit que c'était impossible, mais qu'il fallait quand même le tenter. Alors on a commencé les répètes à Hawaï en janvier. On a démarré les captures peu de temps après ça. Ça a duré presque un an. Ensuite on est parti en Nouvelle-Zélande pour le jeu d'acteur en direct et puis retour à Los Angeles pour d'autres captures de mouvement en fait. Et James lui continue à bosser dessus alors que nous on était déjà sur d'autres tournages. Donc parfois pendant notre temps libre on avait un coup de fil de James qui nous demandait si on voulait pas revenir pour faire un tour à dos d'oiseaux géants. Et donc Sam, toi tu joues le rôle de Jack Sully, presque Scully d'ailleurs, qui a une vie qui vit une sorte d'initiation pour devenir adulte dans le monde des Navy, c'est bien ça? So you're playing the role of Jake Sully who's having like an initiation to become a grown up in the Navy's world. Exactly right, yeah. C'est exactement ça. I played him as the essence of my nephew. Le film est à propos d'un mec qui finalement a 9 ans dans sa tête, qui tente de s'ouvrir au monde, mais qui est capricieux parfois comme un gamin de 9 ans, mais qui a aussi le courage d'un enfant de 9 ans, et à qui on dit pas quoi faire et à qui le monde appartient. Ensuite il devient un peu ado, à grandir comme un homme et s'opposer au bulldozer. Et c'est un super message pour n'importe quel gamin ou adulte. Et Sigourney, donc par moment on dirait que Grace Austin, donc est la mère de Jax, c'est voulu ou ça c'est venu au fur et à mesure? At some point in the movie we have the feeling that Grace Augustine is like a mother for Jake. Is it something James Cameron wanted Je pense que ça s'est organiquement détaché de Sigourney et moi, en fait. Oui, je pense aussi, sans oublier qu'à la base, Grace devait être un rôle d'homme. Et petit à petit, en écrivant le script, il lui a donné un côté féminin, ce qui est génial. Et finalement, la seule famille de Grace, ce sont les habitants de cette planète. Et c'est tellement logique qu'émotionnellement, elles réagissent négativement à Jake. Il est tout ce qu'elle est. Elle sait qu'il va tout niquer, et c'est à travers lui qu'elle se rend compte que elle aussi, elle doit lutter face au bulldozer. C'est exactement la force de Cameron. C'est comme dans Alien. C'est ramener ce côté famille très basique dans la science-fiction. Et c'était pareil dans Terminator d'ailleurs. Il paraît que elle vient de dire que Augustine, normalement, ça devait être un homme. Ça veut dire que Sigourney devait faire un autre personnage dans le film au départ. So, since Grace Augustine was supposed to be a man in the beginning, it means you were playing in the movie but another character, or did it change? No, he'd already rewritten it to be Grace. Non, il avait déjà réécrit pour que ce soit Grace. En fait, c'était vraiment au tout début des 12 années pendant lesquelles il a bossé. Il n'était pas sûr si ça devait être un mec ou une fille, parce que c'était un scientifique, en fait. Et du coup, elle a toute la rigueur de tous les scientifiques, hommes ou femmes. Et malgré c'est la rigueur de toutes les femmes que les hommes n'ont pas. Malgré le fait que Sigourney joue la mère, elle n'arrive pas à faire prendre de douche à Sam. Even though there's this feeling that Grace is Jake's mother, she can get him to take a shower at any time. Yes, les vraies mères y arrivent pourtant. My mom's still trying. Ah, ma mère essaye toujours, comme vous pouvez le sentir. Au final, si elle n'a pas réussi à lui faire prendre de douche, c'est que c'était une bonne maman. Oui, exactement. Et il paraît que James vous a imposé un stage de survie en forêt avant le tournage du film. C'est vrai ça ou pas? Apparently, James forced you to make a survivor kind of stage in the forest. Rafted in Hawaii. On a fait du rafting à Hawaii. Like, I bought my surfboard and things like that. And, je pensais que ça allait être des vacances, c'est-à-dire que j'avais pris mon surf et tout ça. Et James m'a tendu 10 accessoires. Il me dit, ouais, il faut qu'on fasse des trucs dans la forêt. Et en fait, ça a aidé James à prendre des références. Et ça nous a donné une mémoire sensorielle, en fait, pour quand on est arrivé sur le tournage. À un moment, t'as un mec d'Hawaï qui me voit en train de faire le con et il me demande ce qu'on fait. Je lui dis, mec, je tourne un film, c'est un blockbuster. Le mec me demande qui réalise et là je lui montre James Cameron avec sa petite caméra de touriste et le mec me répond, putain, il a perdu de l'allure depuis Titanic. It was very odd, but Jim, you dive in or you get fired. That was a very exciting time because that's when. C'était un moment super excitant, en fait, de voir James avec une caméra en main. Ça faisait longtemps et on aurait dû réaliser à ce moment-là qu'il n'allait plus jamais la reposer. Il a fait tous les plans caméra épaule lui-même, une caméra qu'il a inventée d'ailleurs, et c'était une super manière de démarrer tout l'ensemble. Moi, j'ai étudié avec les botanistes à Hawaï, à prendre des échantillons, et c'était comme une petite plante qui commençait à pousser à Hawaï et qui a pris ses racines dans la vie réelle. D'ailleurs, à un moment, j'ai dû rattraper le chien d'une passante et j'ai dit à James qu'il nous fallait une scène avec des chiens féroces dans le film. Et vous avez appris la langue locale, hein, justement. Hey, Sam, toi, t'as dit que c'était plus facile d'apprendre donc la langue des Navy que d'apprendre l'accent américain. So, you learn this language, this Navy language, and Sam, you said that it was easier to learn Navy than to learn how to have the American accent. Yes, I agree. Oui, je le redis. Hein. Plus, I had to learn an American accent doing Navy. And you know, I can't. Mais le pire, c'est de prendre l'accent d'un Américain qui parle le Navy. My accent's pretty thick, so but you know. Mais bon, voilà. J'ai fait de mon mieux. I'm trying my best here. Et Sigourney, ça va, c'était pas trop compliqué d'arriver à comprendre? It wasn't too hard to understand him speaking in the Navy. My Navy is horrible. Ah, mon avis est horrible. Scound is all I know. Je sais dire que scum, ce qui veut dire idiot, en fait. Actually, I thought he was very eloquent in the scenes that we did. En fait, je l'ai trouvé très éloquent dans les scènes qu'on a faites au début, lorsqu'il essaye de se faire accepter par la tribu et qu'il les avertit sur les dangers qui arrivent. J'ai trouvé ton avis excellent à ce moment-là. Sometimes it helps the fact that Jake is learning like Sam was learning. Ce qui est drôle, c'est que mon personnage apprend à la même vitesse 10 que moi. Donc ça a aidé le processus de tournage puisqu'on a tourné presque dans l'ordre. Donc en arrivant aux scènes de grands discours, j'étais déjà plus à l'aise, j'avais plus à lire le texte sur ma main. Est-ce qu'ils peuvent nous dire, vous êtes une super émission en avis parce qu'on est diffusé sur Pandora. Donc. Can you What was that? Can you say this is a super show? Where allez-vous? No one is gonna know. Personne verra la différence. Bon, et Sigourney, toi, t'as l'habitude de jouer dans les films de science-fiction, donc Alien et 60 hommes, Galaxy Quest. Quelle différence il y a avec Avatar? Avatar is this brand new world to me. Avatar est un tout nouveau monde pour moi. J'avais jamais fait de la capture de mouvement. J'avais jamais fait partie d'une aventure si ambitieuse. J'adore la science-fiction. J'en reçois beaucoup de scripts, mais c'est le seul dont je voulais vraiment faire partie. C'est pas juste une histoire fantastique, les personnages, les espèces différentes, la romance et tous ces trucs. J'ai tout aimé. Mais je pense qu'il y a aussi un message profond pour nous terriens qui ne prêtons pas attention à l'endroit où on vit. On doit protéger et respecter notre planète et les autres espèces. Et il y a 25 ans, tu faisais Alien avec James Cameron. Ça s'est passé comment, les retrouvailles, 25 ans après? Enfin, un petit peu moins. So how was it to meet James Cameron back 25 years later? Well, we've stayed in touch. On est resté en contact, mais c'était super juste d'imaginer rejouer avec lui un jour. C'est un réalisateur si généreux, il est en demande. On sait qu'on va devoir donner le meilleur de nous-mêmes, mais c'est excitant de bosser avec quelqu'un qui est si impliqué dans tous les petits détails. Il est tellement bon avec les acteurs, il nous demande toujours ce qu'on veut essayer, qu'est-ce que tu penses de ci, de ça. Il le voit vraiment comme une collaboration, et pourtant c'est tellement son monde. Donc j'ai juste foncé pour avoir la chance de retravailler avec lui. Est-ce que 25 ans après, ayant pris de l'âge, il est pas devenu un petit peu plus chiant sur les plateaux? So 25 years later on, he's not like rude than before because he's older. No, he's never rude. I mean, sometimes he can be a little. Non, il est jamais chiant. Parfois, il est un peu brusque quand quelqu'un est un peu lent pour traverser la pièce. Very sweet and very gentle and. Il est toujours très doux avec les acteurs et très patient. Comme un père. Bon, je voudrais pas pour autant être le centre de son attention. Hein. Et puisqu'il est tellement attaché aux détails, est-ce qu'il laisse quand même l'acteur faire ses propres choix dans les scènes? Since he's very, very attracted with details, yeah, does he leave the actor space to, you know, just do how they feel? Absolument. The guy demands excellence, but as an actor, he gives you. En fait, ses demandes, c'est juste l'excellence. Et en fait, il nous donne le courage. Il met la barre haute. Et en plus, il te donne le courage de sauter au-dessus, en fait. Et puis, pour terminer, dernière question. Est-ce qu'il y a un message politique, écologique derrière le film? So, what's the message behind the film? Is it political? Is it ecological? I think it's all of them. You know, it's a typical Jim. Je pense que c'est le deux. Composé avec l'extravagance de Cameron. C'est pour ça qu'il est bon. Poser ces grands thèmes qui nous font réfléchir longtemps après avoir quitté la salle de cinéma et qui, quand tu es dans la salle, tu sens battre le cœur de cette histoire. Et c'est la magie de ces films, et en particulier Avatar. Il a tellement travaillé dans les océans profonds qui sont une des zones de la planète les plus en danger à cause de nos énergies fossiles qui envoient tellement d'oxyde de carbone dans les océans que pas mal d'espèces marines, comme les planctons par exemple, pèsent 30% de moins dans la région antarctique qu'ils avaient l'habitude de peser. Et on pense que c'est dû à l'ajout d'oxyde carbonique. Et donc je pense qu'il ressent une grande urgence. Il voit ce qui arrive aux océans, qui pour la plupart des gens sont des zones complètement oubliées. Et c'est bien que ce film sorte maintenant, en plein sommet de Copenhague. J'espère qu'ils pourront tous courir au cinéma. Ils pensent que le bleu est une couleur primaire, mais que le bleu a en fait un cœur tout vert. C'est une jolie phrase. Bon, merci beaucoup Sam et Sigourney de nous avoir donné du temps. Bonne chance pour Avatar et puis à bientôt. Joyeux Noël. Merci, joyeux Noël aussi. Mickaël, le podcast. Et puis, je vous en parlais aussi, pour fêter ses 50 ans, la poupée va souffler ses bougies, Barbie bien évidemment, en burqa. Ah, ça c'est beau. Eh ouais, c'est dingue. Comment elle va souffler en burqa? De quoi? Bah, elle va lever le truc. Ah, bah, elle va lever ou tu sais, ça passe à travers le vent, sinon elle peut pas respirer. Elle est pas con, hein. Voilà, ah, genre, t'as mal entendu. Ouais, c'est, par contre, toi. Elle est pas con. Voilà, donc le fabricant de jouets, donc c'est Mattel et la designer italienne Eliana Lorena qui a créé donc cette tenue provocatrice. Alors ils ont expliqué que c'est pour une action caritative que Barbie a revêtu la burqa. Alors cette poupée qui ne sera pas commercialisée en magasin malheureusement. Oh, heureusement. Et les bénéfices de la vente aux enchères de quelques exemplaires par Sotheby's doit être reversé donc à une œuvre humanitaire. Donc ça c'est pas mal. Ouais. Après c'est dommage effectivement parce que nous on avait déjà la promo quoi. Comme toutes les femmes modernes, Barbie n'aime pas se maquiller tous les jours. Et pour ça, Mattel a créé la Barbie Burka. Wow. Pour l'habiller, il existe plusieurs modèles selon ton humeur. La Burka H&M pour la vie de tous les jours, livrée avec son balai et tous les ustensiles pour faire la cuisine. Youpi. La Burka Adidas pour faire son sport, livrée avec la climatisation. Oh yes, trop cool. La Burka Armani pour sortir le soir, sexy et beaucoup plus courte. On voit même le talent de sa babouche, livrée avec son carré Hermès. La Burka Arena. Mais c'est quoi? Pour aller à la piscine, rigide, Barbie peut même sortir de l'eau sans qu'on voit ses formes. Et enfin, la Burka au bas à dentelle, pour exciter son homme sans jamais rien lui montrer. Oui, mais j'ai pas de Ken. Pour 1€ de plus, reçois ton Ken Laden et sa ceinture à pétard qui explose dans le bus. Barbie Burka, elle a plus de bras, mais tu t'en fous, elle a sa burka. Voilà, donc on avait imaginé ça, hein, et force est de constater que... Elle va sortir. Qu'elle va... Bah non, elle va pas sortir, elle va être fabriquée à très... Ouais, autant dire bah, ça va un exemplaire, en fait. Hein. Ouais, mais ça va valoir une blague. Hein. Bah tu m'étonnes. Qui bah, va c'est le but, ça hein. Qui là? Attends, mais il en a bah, qu'une seule sur Terre. Vous vous rendez pas compte, il y a des collectionneurs de malades hein, sur ça, Barbie. Hein. Ça, c'est clair et net. Non, mais c'est vraiment une collection de merde. Ouais, mais... attends, mais tu fais bien des collections de maillots de foot, ou? Et alors? Bah, c'est une collection de merde aussi. Hein. Mais non, eh bah, si. Faire une collection, de toute façon, c'est déjà merdique. Ça dépend après. Oui, ça dépend si c'est des lingots d'or, oui. Mais, je crois que c'était dans 7 à 8, la meuf elle avait acheté $3,500 une Barbie en fait, juste parce qu'elle était encore emballée et que c'était une des toutes premières quoi. Ah oui, mais ça vaut une blinde. J'ai regardé tout à l'heure par hasard parce qu'il y a un pote à moi qui me dit ouais putain, j'ai encore le vinyle de Michael Jackson, les tout premiers de 82, tu crois que ça vaut quelque chose? Je sais pas, si je regarde sur eBay par hasard. Bon. Celui-là valait 29€, donc pas de quoi non plus, pas de quoi non plus, parce qu'il a quand même acheté, il a dû le payer à l'époque, l'équivalent en France, ça devait faire plat, c'est dû le payer, ouais, 25€ à l'époque, donc oh, voilà, en... Vous avez gagné 4€, c'est génial. Ouais, mais en combien d'années? Ouais, c'est ça. Mais c'est surtout que j'ai vu un autre album vinyle de Michael Jackson, qui était à 1100€. Ouais, parce qu'il est sorti en beaucoup moins d'exemplaires, sûrement. Ouais, exactement. Mais t'as, ouais, il y a une série numérotée où genre, il y en a, genre 1000 exemplaires, et dont, je sais pas, 50 dédicacés par Jackson. Ceux dédicacés, je crois, c'est, ils valent dans les 5 ou 6000€. Oh, putain. Oh, ça va encore, hein. Ouais, mais c'est parce qu'il y en a beaucoup, tu sais. Ouais. Il a une longue carrière, donc il en a dédicacé, ouais, tu vois. C'est même pas lui qui a signé. Ouais, j'en connais qui font ça, ouais. Donc pourquoi pas lui, hein. Ouais, non, c'est vrai. Bon, ouais. On reparlera tout à l'heure de quoi? Non, rien, on reparlera de quoi? Je sais pas, de ta veste de merde là que tu hein. Elle est charmante ma veste. Ouais. Taille XS. Taille XS. Ah, vous êtes choqués hein. Ouais, mais c'est parce que tu l'as fait venir de Chine, c'est pour ça. Non, pas du tout, faut juste rester en t-shirt en dessous. Non, c'est un magasin grande taille. Pas mettre de pull. Ah oui, c'est un magasin grande taille. Du tout du coup le XS là, ça rentre. Bon, qu'est-ce que je disais, je ne sais plus. Oui, on va reparler tout à l'heure des meilleurs plans foireux, enfin foireux, des excuses bidons en fait pour larguer sa meuf, ou son mec, le top 10 des excuses bidons. Avec le retour de Mélanie, je vais y arriver, hein, qui nous avait appelé en début d'émission en fait pour nous dire que bon bah voilà, elle voulait avoir un bon plan pour larguer son mec parce que elle sait pas comment faire sans trop lui faire de peine. Et en attendant, on va jouer avec d'ailleurs la même chose, hein, puisque nous avons Nicolas qui est là, 22 ans, pour un chéri je t'ai fait cocu. Salut Nico. Salut tout le monde. Salut. Ça va et toi? Salut. Ça va, la forme? Bon, ouais, ça va tranquille. Ouais, bienvenue à toi. Nous allons donc faire le chéri je t'ai fait cocu. Comment ça va se passer? On appelle ta meuf, on appelle ton mec, comment ça se passe? Non, on appelle ma meuf déjà. D'accord. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Dilek. Dilek, d'accord, ok. Dilek. C'est bizarre Dilek, comme ouais. Prénom. C'est turc ça, non? Ouais. C'est turc? Ouais, c'est ça. D'accord. Ouais, genre, c'est écrit dans le standard. Non, mais tu sais, Dilek en général, c'est... Enfin, tu sais, quand ça finit par ek comme ça. Avec en Belgique, on connaît bien les prénoms. Ouais, ouais, en Belgique, il y en a beaucoup, ouais. Ouais, bah ouais. Bon, Nico, donc on va l'appeler. Ça va être quoi l'histoire là? Qu'est-ce que tu vas essayer de lui faire croire? Ouais, en fait, je vais lui faire croire que ben je l'ai trompé avec une fille que j'ai vue samedi soir à l'anniversaire d'un copain. Et en fait, vu que je travaille la nuit, elle croit que je travaille là. Et en fait, le patron là, il m'a pas fait travailler quoi. Parce que il t'a laissé ta soirée, d'accord? Voilà, il m'a laissé ma soirée. Donc là, en fait, je suis avec des amis et puis elle croit que je travaille en fait. D'accord. Et puis là, en fait, t'es chez elle, quoi. Ouais, c'est ça, t'es chez la meuf. Chez ta nouvelle meuf. D'accord. Et t'es censé l'avoir rencontrée quand? Samedi. Et comment, ouais, surtout samedi. Ouais. Anniversaire. Samedi, en fait, on s'est échangé les numéros. Ouais. Et bah voilà, aujourd'hui, vu que le patron m'a donné congé, ben je vais lui dire, en fait, non, en fait... D'accord, ouais. Elle m'a appelé et puis on s'est capté, quoi. T'habites avec ta meuf ou pas, toi? Non, j'habite pas avec ma meuf. Bon. D'accord, très Est-ce bien. Est-ce qu'il y a un cadeau qu'elle voulait pour Noël ou un truc? Bah en fait, elle avait son anniversaire le 6 décembre. Ouais. Donc là, je lui ai offert une montre. Mais après, là, pour Noël... Elle est comment, la montre? C'est une montre Guess. Une montre Guess, d'accord. Donc ouais, tu me l'auras offert aussi. C'est les rectangulaires, là, dorés ou argentés? Voilà, c'est des argentés, ouais. D'accord, ok, très bien. Bon, bah on y va, on l'appelle, Nico. Hein. Au plus elle s'énerve, au plus t'as de chance de repartir avec les cadeaux, d'ailleurs. Ouais, d'accord. Bon, parfait. On y va, on l'appelle. Bonne chance. Si elle pleure, c'est perdu, donc fais ça intelligemment. Et c'est toi qui commence. Ouais, pas de soucis. Et c'est toi qui commence, évidemment. Et restez bien là, les 1000 euros tomberont avant 11h, comme ça vous le savez. Allô? Allô bébé, ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, écoute, là, je t'appelle, en fait, je suis pas au travail. Hein. Ah ouais, comment ça se fait? C'est où? Ouais, parce qu'en fait, le patron, il m'a laissé et tout. Aujourd'hui, il m'a dit, ouais, écoute, tu vois. Ouais, donc en fait, tu sais, samedi, c'était bien l'anniversaire, là. Ouais, ouais, soir, là. Ouais. Ouais, et l'anniversaire Antoine. Ouais. Et en fait, t'as vu, il y avait une fille et tout, elle a commencé à me parler et tout, tu vois, normal et tout. Ouais, et elle m'a passé son numéro de téléphone, ouais, quoi, elle m'a appelé et tout, et là, je suis avec elle. T'as pris son numéro? Pourquoi tu prends son numéro? Moi, j'ai pris son numéro, mais là, je suis avec Pourquoi elle, tu faire? Vois. Hein? Ben, je sais pas, c'est... Elle m'a dit, Et t'as dit quoi? Elle est là, t'es où? Je suis chez elle, là. Comment ça, t'es chez elle? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Non, là, je suis chez elle et tout. Là, là, oh, ouais, mais bien sûr. Qu'est-ce que tu fous chez elle? Ben, rien et tout, là. Rien et tout. On discute. Et tout, elle est en train de boire, là. La soirée, elle se passe. Et puis là, je t'appelle pour te dire que voilà, quoi. Ah ouais. C'est la vérité, hein. Oh, putain. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Non, je me fous pas de ta gueule, hein. C'est sérieux, Caron. Elle rigole pas trop, ouais. Ouais, ouais. Tu me crois pas ou quoi? Tu veux l'entendre? Non, c'est pas possible. Eh si. Ouais, vas-y, Josiane. Franchement, ça va. Bébé! Allô. Ouais, attends, deux secondes, j'arrive là. File-moi les clés de la voiture, je vais mettre l'arbre de pour les odeurs. Vas-y, moi, je te laisse. Là. Comment ça, tu me laisses? Ça va pas ou quoi? Je la mets au rétro? Non, juste attends deux secondes, là, juste je téléphone, attends. Bah dépêche-toi chérie. Ouais, j'arrive. Mais t'es trop con, cool, franchement, qu'est-ce que tu fais comme ça? Comment ça, je suis con comme ça? Mais franchement, elle est belle et comment tout. Comment ça tu vas chez moi? Et alors? Eh ben, ça fait quoi? Comment là, ça fait quoi? T'es un gros bouffon, je te jure. Et là, tu t'en fous. Comment ça, je m'en fous? Ouais, regarde là, tu parles pas et tout, tu dis rien. Ça veut dire, voilà, tu t'en fous de moi ou quoi? Mais tu rigoles, comment ça, je m'en fous de toi? Bah ouais, regarde-moi ça. Quoi? Regarde-moi ça, t'en as rien à foutre. Bah vas-y, c'est bon. Comment ça, c'est bon? Bah c'est fini, hein. Écoute, tu viens tout de suite là chez moi. Hein. Quoi? Tu viens chez moi tout de suite là. Ah là, tu rêves là. Comment ça, je rêve? T'es con ou quoi? Ouais, non. Tu vas chez la meuf comme ça, hein? Ah, bon, bah, bébé. Attends, bébé, la montre Guess là, tu peux me la changer parce que en fait, la taille, ça va pas. Comment ça, ça? Ben, attends, ouais, je te la changerai, pas de soucis. Ouais, mais on peut y aller demain ou pas? Ouais, on ira demain. Et qui c'est cette meuf? Ah, excellent, merci, chérie. Ouais, c'est Sandrine. Ouais, qui, Sandrine? C'est qui, ça, Sandrine? Ouais, bah, c'est cool, je vais aller avec Nico demain la changer. Bah, ouais, on va passer, faudrait que je te le présente, quand même. Oh, ça le colle, là. Bah, tu l'as dit à papa qu'on était ensemble ou pas? Qu'est-ce qu'elle raconte, là? Bah, il va falloir que tu lui dises, quand même. Oh, Nicolas? Ouais. Qu'est-ce qui se passe, là? Bah là, il y a ok, pas de soucis, bien, on viendra dîner. Ça te fait rire ou quoi? Non, mais pourquoi ça me fait rire? Moi, je rigole pas. Chérie, non, viens là, tout de suite, dans 5 minutes, tu viens chez moi. Ouais, mais je peux pas venir, là, c'est pas possible. Comment ça, tu peux pas venir? Là, je suis occupé, là, elle m'appelle, là, faut que je parte. Chérie? Ouais, j'arrive, Tu veux manger quoi dimanche, maman, elle demande? Ah, de poulet frites. Oh, ça coule ça, on va, tu gars? Non, ouais, je suis désolé, là, c'est fini. Frites, lui, pour lui, hein. Comment ça, c'est fini, ça, comme ça, 5 ans, c'est parti pour de rien, c'est fini d'un coup comme ça. Bah ouais, bah ouais. Tu mets pas de frites, tu mets de la salade, hein, pour moi, j'ai pas de frites. Quoi? Ah bah non, il déteste les gros culs, lui. Son ex, apparemment, en avait un gros. Ah bah non, je pas... Bref, moi, je te laisse avec ta copine, alors. Hein. D'accord. Bon, je te fais des bisous, maman. Ouais, ouais, c'est ça. Vas-y, t'en as rien à foutre, hein. Vas-y, en plus. Bon, chéri. Ouais, j'arrive. C'est bon, hein, pour dimanche. Ok. Ok. Ok. Bon, allez, raccroche. Ça, hein. Franchement, je t'avais pas connu comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais, là, au téléphone? C'est bon, c'est ça. Rien, là. C'est mon ex, là. Mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Bah non. Mais qu'est-ce que tu fais au téléphone avec ton ex? Allô? Ouais. Ouais, c'est qui? Qui t'es, toi? C'est laquelle d'ex, déjà? Comment ça, c'est laquelle des ex? Toi, t'es qui? Je suis la copine de Nico. Ah ouais? Depuis quand? Bah, depuis la semaine dernière. Vas-y, ferme ta gueule, d'où t'es sa copine? Bah, je suis sa copine, calme-toi. T'es qui? Moi, je suis sa femme. Sa meuf. Chérie, t'es mariée? C'est sa meuf. Non, je suis pas mariée. Ah bah, elle se fait des films, hein, la cocotte. Ah bah, elle se fait des films, la pauvre. Tu te fais des films, cocotte, hein. T'es pas mariée. Pomme de clochard. Bon. Bref, vas-y, bah, amuse-toi avec ta copine. Ouais, bon, ok. Bon, sois pas triste, en tout cas. Ouais, mais... Si t'as besoin de parler, moi, je suis là. Bon, calme-toi. Oh, cocotte, ça va. C'est pas la première fois que tu te fais larguer, j'imagine. Puis ça sera pas la dernière, surtout. Ouais, ouais, vas-y, ta gueule. Ça bon, écoute, quand tu seras apte à parler, on te rappellera. Calme-toi, déjà. Et puis si t'as besoin... ouais, ouais, mais moi, j'ai pas besoin de tes conseils, là. Bah, tu sais, j'ai déjà vécu des ruptures. Je sais que ça fait mal. Et, ouais, ouais, mais j'ai pas besoin de tes conseils. Si t'as besoin d'une épaule pour poser ta tête... Ta gueule. Y a pas de souci. Vas-y, ta gueule. Non, mais si tu veux, évacue. Vas-y, évacue. Évacue. Pue, toi. C'est normal, c'est normal. Ah ouais, tu trouves que c'est normal, ça? Non, mais j'ai vécu ça, je sais. Hein. C'est horrible. Sale clochard, va. Non, bah non, pas clochard, quand même. Je te ferai remarquer que j'ai une monde-guesse au poignet. Hein. Ah ouais? Mais c'est bien pour ta gueule. Qu'est-ce que tu m'as dit? C'est bien pour ta gueule. D'accord. Bon, je vois que t'es encore énervé, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va te laisser calmer. Ah ouais, tu crois que je vais pas m'énerver? Tu crois que c'est normal, ça? Alors, énerve-toi et puis calme-toi un peu. On va te rappeler, t'inquiète pas. Je vais regarder sur Internet s'il n'y a pas des forums où tu vas pouvoir aller te confier à des gens. Et je te rappelle pour donner l'adresse. T'inquiète pas, tu vas t'en sortir. Hein. À tout à l'heure. Quel connasse. Je parle de son nom, hein. Et je propose que tu l'inscrives à, tu sais, à ça se discute ou à toute une histoire avec de la rue. C'est clair, ça c'est drôle. Bon, Nico. Ouais, t'as pété un câble là. On va, bah oui, c'est le but, hein. On va la rappeler dans 3 minutes, d'accord? Ouais. Ne bouge pas de là. Ne bouge pas. Très bien, parfait. Mickaël, le podcast. Bon, Nico. Va falloir en faire un beau cadeau de Noël à ta meuf, hein, je te le dis direct, hein. Direct, je te le dis. Parce que comment elle est vénère là, à mon avis, ça va être chaud. Hein. Bon, déjà Sandro qui a préparé. Ça me fait peur, hein. Eh, quoi? Ça me fait peur grave. Hein. De quoi? Ça me fait peur grave. Hein. Ça se trouve, t'es célibataire pour Noël, tiens, justement. Ouais, C'est maintenant qu'elle va t'annoncer qu'elle te trompe depuis 6 mois. Donc voilà. Exactement. Non, elle l'aurait déjà fait, je pense. Tiens, message qui dit Sandro est super bonne ce soir pour le chéri, je t'ai fait cocu. Mais elle est toujours bonne. Bah oui, il faudrait en faire plus souvent comme ça, tiens, dans cette configuration là. Et puis il y a un message qui dit à quand le chéri je t'ai fait cocu gay? Bah quand vous voulez les mecs, hein. On en a déjà fait, hein. On en a déjà fait. Inscrivez-vous, n'hésitez pas. Et puis on peut en refaire, hein, gay ou lesbien. Ouais. Aucun souci, bah, aucun problème. Lesbien, c'est Sandro qui préfère. Ah bah oui. Bon, allez, on y va, on rappelle Nico, d'accord? Ouais, ça marche. Tu rappelles Sandro direct? Vas-y. Ou... Allez, c'est parti. Et puis Michel va venir aussi, hein. Ouais, on verra, ouais. Oh putain. Oh, mon micro a été éteint. Ouais, bah j'ai entendu, hein, ton ro. Je comprends pas. Ouais, ça va mieux? Oui. Bon, écoute, j'ai été voir sur le site de Ça se discute. En fait, il y a un sujet dans pas longtemps, c'est j'ai jamais pardonné mon ex. Allô? Donc, allô? Ouais. Allô? Allô? Oui. Tu m'entends? Oui, mais vous m'appelez encore, mais ça va pas. Écoute, je me suis renseignée là sur... Il y a un groupe Facebook... Ouais, mais je m'en fous de vos renseignements. Il y a qui a été Nicolas, créé... Mais non, mais c'est pour ton bien. Non, je suis pas Nicolas tout de suite, qu'est-ce que tu parles, toi? Il y a un groupe Facebook qui a été créé... Non, mais qu'est-ce que tu... Je suis cocu sur le tutu, chaque fois, je l'ai bien dans le cul. Mais je m'en fous de ton Facebook, mais ça me ta gueule. Tu vas pouvoir t'inscrire? Ouais, mais ferme ta gueule. Oh, arrête, c'est pas bien de parler comme ça. Mais ferme ta gueule, t'en sors tout de suite, Nicolas. Calme-toi, calme-toi. Ouais, regarde. Faut que tu respires. Mais arrête ta gueule, hein, petite bouffonne. Respire un peu. Non, vas-y, mais tu sais quoi? Non, mais va te faire foutre. Non, mais pour marquer notre amitié, je vais te faire un bracelet brésilien. C'est quoi ta taille de poignet? J'en fais souvent le samedi. Tes couleurs préférées, c'est quoi? Ouais, mais c'est ton cul, ma couleur chérie, préférée. Chérie, va ouvrir, s'il te plaît. Allô? Passe-moi Nicolas tout de suite. Oui, je vais te le repasser, t'inquiète pas. Vas-y, dépêche-toi. Non, t'es trop énervé. Salope. T'es trop énervé. Vas-y, tu arrives alors à Sandrine? Bah, je suis au téléphone, attends, quitte pas. Ah bon? Bah, qu'est-ce qui lui arrive? Bah, elle est, c'est une ex apparemment de Nicolas et. Ouais, c'est une ex, salope. Ah bon? Elle pensait qu'ils étaient mariés. Ah, d'accord, ok. Moi, je lui ai proposé. Ouais, mais qu'est-ce que tu connais dans la vie, toi? Mais va te faire foutre. Nico, elle est chaude, ton ex ou pas? Elle est vulgaire, surtout. Ouais, elle est grave chaude, là. Ah, vas-y, tu crois que j'ai une chance? Non, mais je sais pas, hein, faut voir. Bon, vas-y, passe-la-moi. Eh, Dilek, quitte pas. Attends, quitte pas, j'ai la solution, quitte pas. Non, mais casse-toi. Allô? Je vais raccrocher là, je vous arrasterai votre gueule à toi aussi. Allô? Mais quitte-toi, passe-moi Nicolas. Tu me poses une question et j'ai même pas le temps de répondre, tu passes à autre chose. Non, mais passe-moi Nicolas. Je m'appelle Michel. Mais je m'en fous que tu t'appelles Michel, comment toi? Je m'en fous de ta vie. Eh hey Michel, passe-moi Nicolas. Attends, ouais. Sinon il y a un groupe sur Facebook, c'est je suis vulgaire, tourle tutu, chapeau pointu, tu l'as bien dans le cul. Ouais. Bon, attends, je vais essayer, c'est pas que je vais arriver à pécho. Comment tu t'appelles? Je m'appelle ton cul, tu connais? Bah si tu veux, hein, moi je m'en fous, hein. Bah c'est bizarre, hein. Allez, ton cul. Passe-moi Nicolas tout de suite. Parce que là, je vais m'énerver, je vais venir vous arracher la gueule. Eh Nico! Ouais. Tu connais une meuf qui s'appelle ton cul? Bah non, ouais, moi je connais pas. Non, bon bah voilà, il connaît pas, hein, qu'est-ce que tu veux? Ah, ça fait rire, hein, il connaît pas. Passe-moi tout de suite ce Nicolas. Non mais vas-y. Passe-moi tout de suite Nicolas. Mais on fait connaissance là, je sens que ça passe bien entre nous en plus. Je sens que ça passe bien là, on pourra faire plein de trucs si tu veux. Ouais, ok, d'accord, demain. Cool, bah demain justement j'ai rien, bah alors si tu veux ce soir, mais ça peut se faire. Mais casse-toi, oui, mais tu m'as pris pour qui là? Fait qui est à côté de vous là? Faites quoi par tous peut-être? Bah non, c'est juste un truc entre nous deux parce que Nicolas, je sens que ça se passe bien entre nous, tu sais, il y a le film. Oui, mais passe-moi Nicolas, ferme ta gueule et passe-moi Nicolas. Comment tu t'appelles? Passe-moi Nicolas. Comment tu t'appelles? Ça te regarde pas comment je m'appelle. Elle s'appelle Dilek. Ah, Dilek, c'est ça? C'est Dilek? Passe-moi Nicolas tout de suite. Bah tu sais rien dire d'autre ou quoi? Mais passe-moi Nicolas, non, je sais rien dire d'autre. Ah, tu vois que c'est dire quelque chose d'autre. Voilà, je sais pas parler. Bon, attends, je te le repasse. Ah Nico! Je te repasse la meuf qui s'appelle ton cul. Oh non, elle est chiante, c'est bon, hein. Ouais, bah une seconde, elle veut lui parler. Oui, mais c'est... Ah, bien, ça fait rire, mais dis-lui qu'elle parle pas derrière moi. Parce que je te jure, si je viens là-bas, je la défonce. Alors moi, j'aimerais bien venir chez toi et te défoncer, mais c'est un problème. Ouais, mais chez moi, ouais, mais casse-toi, vas-y, va te faire foutre. Passe-moi Nicolas. Bah Nico, tiens, le téléphone, c'est ton cul. Oui. Nicolas, tu te fous de ma gueule? Non, pas ta gueule au cas où, là, tu crois quoi? Si, je vois un peu ta gueule, hein, quand même. Eh, bébé, t'as 3 minutes, hein. Je m'énerve, 3 minutes. Là, je vais devenir folle. Il est 43, ouais, bébé, 43, à 45, c'est... Mais tu dis qu'elle ferme sa gueule. En plus, j'ai fait couler le bain. Mais tu dis qu'elle ferme sa gueule, Nicolas? Moi, je vais aller faire le jardin avec Sandrine. Nicolas, tu dépêches, je t'ai rentré, ouais, ton bain, mais bien sûr, encore quoi d'autre? Mais encore quoi d'autre? Vas-y, tant que tu es, je sais pas où. Ouais, mais ferme ta gueule, Nicolas, tu rentres tout de suite. Mais attends, te laisse pas faire comme ça, attends, c'est pas la police, hein. Mais non. Montre que c'est toi le mec. Mais toi, petit Michel de Poula. Je m'en fous de toi, là. Eh, dis-lui, montre, tu sais qu'il y a les couilles. Tu fais ta victime. Ouais, mais moi, je te montre des couilles si tu veux, hein. Eh, bon, je préfère avoir tes seins. Y'a pas de soucis pour ça, hein. Pour voir tes seins? Ouais, chérie, cool. On t'a pas dit de les sortir pour de vrai. Ça fait rire, salope. Encore tu rigoles, encore tu oses rigoler. Bon, Nicolas. Ouais. Tu dépêches de rentrer. Ne m'énerve pas plus. Oh merde, encore là, qui c'est qui est la sorcie là? Ouais, bah putain, je crois que c'est une prostituée là-bas, y'a plein de gars qui viennent comme ça. Ok, d'accord. Bon, Nicolas. Ouais. Tu dépêches de rentrer là, tu m'énerves. Oui. Ouais, moi, je rentre, salut, Yann. Qu'est-ce que tu veux? Salut, Yann. Ouais, ouais. On va à Nice ce soir. Viens voir, on va aller dans la mec. Ouais. Ah, les gars, j'ai un peu bu là déjà. Ah, ouais, je vois ça. Merde, elle est partie, attends, on va la rappeler. Attends, c'est Hugues qui va l'appeler. Hey. C'est Hugues, attends, c'est Hugues qui la rappelle, puis on va lui dire à la pauvre, hein, parce qu'elle va nous faire l'infarctus là. Ouais, ouais, là, faut lui dire. Hein. Tiens, faut qu'elle décroche. Ouais. Ouais. Oui. Encore tu oses appeler? Hello. Encore tu oses appeler? C'est Hugues. Mais vous êtes con, vous faites exprès. Mais dis-moi, parce que j'ai passé une soirée un peu arrosée. Ouais, mais t'as cru que j'étais qui, là? Et on m'a dit... La petite nana qui est à côté de vous, là, depuis avant. On m'a donné ton numéro et on m'a dit, vas-y, vas-y, Kiki. Alors, j'appelle Kiki. Ouais, Kiki, ouais. C'est toi, Kiki. Putain, vous m'énervez, mais niquez vos races, putain de sale merde. Vous foutez de ma gueule, quoi. Alors, t'arrives à pécho, toi, Hugues, ou pas? Ah, déjà, j'arrive pas à parler. Passe-moi Nicolas tout de suite. Allô, ton cul. Allô, ton cul. Passe-moi Nicolas tout de suite. Tu parles par le trou? Non, mais j'ai deux mots à lui dire. Passe-moi Nicolas. C'est quoi ce nom, ton cul? Passe-moi Nicolas tout de suite. Comment on peut s'appeler ton cul? Tu pues de la bouche, hein? Ouais, ok, je pue de la bouche, mais bien sûr, t'es en face de moi. Ouais. Passe-moi Nicolas. Ah, attends, Nicolas. Viens. Passe-moi Nicolas. Tu me payes une bière. Ferme ta gueule, passe-moi Nicolas. Tu me payes un vin, du vin rouge. Un bon vin, du vin rouge, un petit ballon. Oh les gars, ça dérange pas, je mets un peu de musique, hein. Pourquoi? Passe-moi Nicolas. Passe-moi Nicolas. Pourquoi t'en fais ça? Tu m'as fait blesser. Vous êtes beau. Elle a raccroché, c'est pour ça que ouais, je suis gueule. On chante pour le plaisir, nous. Mais ouais. Mon bébé, pourquoi tu fais? Vous lui dites? Attends. Bijou, c'est Walid. Pourquoi tu fais ça? Merde. Elle a raccroché de nouveau. Chance. Putain, je crois que c'est Walid qui pose un problème. Elle raccroche depuis que, tu sais... Elle entend Walid. Depuis qu'on a mis Walid. C'est con parce que j'allais lui dire. Allô. Là, vous commencez à me gonfler. Allô. Non, non, arrêtez de me gonfler. Viens la soirée, là, ça cartonne, la musique, on est au top. Mais je m'en fous de votre musique de merde. Non, mais c'est énorme, tu vas voir, c'est une tuerie là. C'est chez moi, Lid. Ouais. À Nicolas, il m'appelle plus, vous non plus ne m'appelez plus. Bon. Mais ça suffit, hein. Dilek. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Bah, juste te dire que c'était une connerie en fait. Oh, ta gueule, c'est bon, je t'en supplie. T'es en direct à la radio sur Énergie, c'est le chéri, je t'ai fait cocu. Tu sors avec Chris. T'es de ma gueule. Tu m'as dit pas ça. Allez, tais-toi, Sandra. Sors avec moi. Bon, Nico, explique-lui, la pauvre. Non, mais Dilek, t'es de ma gueule ou quoi? Allô, ouais, allô. Un petit peu, pardon, excuse-nous. Allô. Non, mais ça va pas, mais vous êtes pas normal. Non, non. Nicolas, ça va pas? Non, c'est une blague, hein. Hugo, là, ça va pas? Non, mais comment ça, une blague? Je suis en train de péter un câble, je dis que j'allais me péter par fenêtre. Pourquoi tu fais ça? Non, mais foutez-moi sérieusement de ma gueule, Nicolas. Oh. Mais attends que je te vois. C'est quoi cette voix? Oui, pourquoi tu fais ça? Pas bien, Nicolas. Alison. Je t'aime très forte. Dis-le. Non, mais je t'aime très fort, Dilek. C'est très bien, ça fait 5 ans. C'est pas maintenant que ça va partir en couille. Oh. Ouais, mais c'est quoi ce coup que tu me fais là? C'est une blague. Oh ouais, c'était une blague, tu vas pas nous prendre la tête pendant 7 ans. C'est la radio. Et en plus t'as eu une montre guest, ça va, tu vas pas te plaindre. Ouais, c'est ça, du coup comme t'as eu le cadeau, c'est pas la peine. Il va frapper encore. Une fois voir. Ah non, moi j'avoue, hein, j'aurais pété la gueule. Hein. Bah ouais, justement, mais dès que je vois Nicolas, même si c'est une blague. Défonce-le quand même, de toute façon maintenant ça te donne une bonne excuse pour le défoncer quand tu seras un peu énervé. Exactement, ouais. Bon, ouais, Nico et Dilek, je vous renvoie chez Michel au standard, vous allez gérer le cadeau là-bas, d'accord? Ça marche. Salut vous deux, à bientôt. Merci en plus. Ciao. Allez, bye bye. Putain, ça a bien crié. Ça a bien crié, mais c'était bien. Bon, un autre chéri, je t'ai fait cocu demain, peut-être, si vous voulez jouer et vous inscrire 612, débutez votre message par énergie, puis vous mettez cocu et votre numéro de téléphone et on jouera demain. Pour le son US, t'as dit qu'il n'était pas forcément américain. Ouais, qu'est-ce que tu proposes? Walid. Non. C'est pas là, les US, ouais, ils en sont US, c'est bon. Mais non, qui viennent chanter là, on a un son dégueulasse là. Ouais, mais faut le faire connaître aux auditeurs avant. Ouais, mais on va le faire connaître. Il y a quelqu'un qui avait demandé qu'on remette un extrait, on mettra un extrait. Non, les gens demandent pas un extrait, ils demandent vraiment la musique entière. Oui, bah non, le son est pas assez bon. Michael, le podcast. Bon, pour larguer son mec, on en parle depuis tout à l'heure. Il y a des excuses et c'est surtout Mélanie qui en cherchait, puisqu'elle veut têche son mec en fait tout simplement, et donc elle se demandait un petit peu comment est-ce qu'elle pouvait faire. On avait les excuses de tout à l'heure là, parce qu'en fait on a eu le temps de chercher sur internet, on était tombé sur le top 10 des excuses bidons pour casser avec son mec. Alors il y avait: j'aime pas ta façon de t'habiller, t'es trop flambeur, tu j'aime passes pas trop ta gueule de temps avec tes potes, arrête tes ultimatums ou tu manges comme un porc. Alors ça c'est le summum de l'excuse bidon, tu manges comme un porc. Ouais. Par contre t'habiller comme un con, ça c'est un très très j'ai froid. Bidon, hein. Avec il a son bonnet, tout ça. Sandro qui a pris le bonnet du roux. Alors on est dans un... caille. Hein. Ouais, franchement, t'as une gueule avec le bonnet. Faut du roux. Faut demander le chauffage. On dirait la mère Noël. Non, je trompe. Ouais, c'est un peu ça, c'est je trompe. Bon, et Mélanie, toujours là? Ouais, toujours là. Bon, parfait. Donc là, maintenant, il y a la suite du top 10, puisqu'on avait fait que les 5 tout à l'heure. Le truc, c'est quand même violent, hein. C'est, tu sais, t'es avec ton mec, t'es avec ta meuf, peu importe. Et puis tu dis, écoute, ça va pas. Oui, mais pourquoi? J'ai besoin d'espace. Ah non, mais je trouve que c'est pas bidon, quoi, excuse ça. Voilà. Ça, c'est pour pas dire, parce que ça, c'est déjà un euphémisme, c'est pour pas dire, franchement, t'es grosse. T'es trop collante, quoi. Ah oui, oui, ouais, t'es aussi, grosse, ouais. C'est aussi, ouais. C'est comme le truc, on fait une pause. Ouais, non. Et en fait, au final, tu sais très bien que la pause, elle est définitive. C'est quoi. Clair, c'est clair. Non, des fois, c'est bénéfique. Non, parce que sinon, t'as, sur le site, ils disent, ouais, bah, si vous avez besoin d'espace, prenez un appart plus grand. Oui, bah, ouais, c'est idiot. Ça. Faut avoir les moyens après, hein. Ouais, ça aussi. Ou alors, il y a. Très vite les prix. Ou alors, il y a aussi. Alors, ça, c'est plutôt pour Toff, ça, en général. C'est l'excuse qu'il donne après un jour ou deux. Un jour, un jour. Les choses deviennent trop sérieuses. Oui, oui. Ah, oui. Ça, c'est des... ça, c'est de la merde. Parce que ça, ça veut dire je suis un gros enculé depuis le début. Et là, ça commence à devenir beaucoup trop sérieux. J'ai pas l'habitude. N'allons pas jusque là. Il y a des gens, c'est un choix de vie, ça. Hein. Ouais. Non, ça, c'est un choix d'enculé, ça. Non, pas du tout. Je trouve pas. Les choses de. Oui, mais ça veut dire que t'as pas été honnête depuis le début avec ta meuf. Ouais. Ah oui. Voilà. Bah, parce que sinon. Quand ça fait longtemps que t'es avec, quoi. Moi, ça va bientôt faire 3 ans, je me vois mal lui dire ça, quoi. Bah, si, justement, soit ça fait 3 ans que t'es avec lui, tu lui dis que ça commence à faire long et que t'as besoin de renouveau. Voilà, t'as besoin de changement. Ouais, t'as, voilà, t'as besoin d'une nouvelle table, quoi. T'as décidé de pas te marier, t'as décidé de pas avoir d'enfant avec lui, donc forcément, ça peut pas continuer. Lui kiffe les voitures, dis-lui, c'est comme toi, t'as besoin de changer de couleur de bagnole ou de changer tes néons. Bah, ça fait 10 ans que j'ai la même. Alors, voilà, c'est pas ça le problème, c'est juste que dès que je lui dis quelque chose, il a mal et il en est limite à pleurer. C'est pour oui, ça mais que bon, je... ça, oui, tu bon. L'éviteras pas. Hein. Bah, achète-lui des Kleenex. Dis-lui par téléphone alors. Hein. Et raccroche après. Et éteins ton portable. Ouais, échange de numéro. Voilà, bon, comme ça, t'es un vrai enculé. Pire bon, attends, texto. Il y a Estelle qui est là également de Toulon. Salut Estelle. Eh, hey, bonsoir tout le monde. Hey. Comment ça va Estelle? Ça va, je suis contente de vous avoir, c'est cool. Bon, très bien. Eh bien, on est content aussi, également. On est très content. Combien mesures Estelle. Tu Estelle? Elle a 30 ans, ça pourrait être ta mère, Toff. Oh, t'as vu Mike, j'ai 29 ans. Eh ben, t'as eu un an. Elle a eu un enfant un an. Bon, Estelle, combien mesures-tu? Je mesure 1m68. Combien pèses-tu? 58, je dois faire. Quel est ton tour de poitrine? 95C. Ah oui. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 38. 38, c'est parfait. Attends, attends, parce que ça veut dire un ancien 36, hein. 38. 38, ouais. 38. Mais ça veut dire... c'est la fin d'année, on peut se permettre. Ça veut dire qu'elle a la fesse un petit peu rebondie, qui a pris un petit peu de poids, c'est parfait pour la fessée, après ça rebondit bien. Ouais, c'est ouais. Parfait. C'est ça. T'as mis tout? À Toulon. À Toulon. À Toulon, c'est un peu loin. Le Var. Ah ouais, mais enfin bon. C'est un peu loin, c'est 95C. Ouais, mais c'est, ouais, c'est ça, bon, quoi. C'est bon, l'été espagnol qu'on peut se faire là-dedans. C'est ça, hein, mais bon. Bon, bref, Estelle, tu nous appelais par rapport à Mélanie, donc. Oui, ouais, ouais, je voulais réagir, en fait. Alors, donc, vas-y, moi, c'est t'écoute. Vrai qu'il y a une méthode, voilà, que je prends beaucoup. C'est genre, je suis plus où j'en suis, ça va pas dans ma tête, je préfère, j'ai envie de faire un break pour l'instant. Voilà, c'est donc ça, parfait. C'est parfait, tu pourras l'utiliser juste après qu'on soit vu, ce sera parfait. D'accord, il n'y a pas de souci. Je t'invite si tu veux pour les vacances. Eh ben écoute, avec plaisir. Je ne savais pas quoi faire cet hiver, mais écoute, ça tombe très bien. Nickel. Quelle voilà, blaire, après, donc sinon, idée. J'opte la méthode. Mais bon, après, c'est vrai que bon, 3 ans, moi, je prends la méthode, j'opte un caractère de merde, en fait. Si tu veux, ça va jamais. Voilà, s'il me demande, ouais, t'as envie de sortir, non, j'ai pas envie. Je fais tout le temps la gueule, je suis jalouse pour un rien. Voilà, et en fait, j'ai réussi, donc un mec m'a plaqué comme ça parce que j'avais plus envie. Et je me suis dit, ben, je vais faire la chieuse, quoi. Donc, d'accord, voilà, parce que plaquer, c'était, voilà. C'était le point 5 également, hein, l'art de provoquer voilà. Les disputes. Ça ouais ça donc, franchement non, ça marche. Ah et ça marche pas. Non parce que si tu tombes non, sur un mec. Ah ouais d'accord parce que en fait tu tombes sur un mec relou, c'est-à-dire enfin relou. C'est un pleurnichard accroché ouais. Quoi. Voilà, ouais, c'est que... la catégorie la plus lourde. Ouais, tu veux aller oh chérie, j'ai décidé ce soir d'aller au ciné. D'accord. Bon, puis tu sais en dernière minute. Non, eh ben j'ai plus envie, on va aller au théâtre. Ok, d'accord. Non, on va aller nettoyer la voiture. Ça, c'est pire, parce qu'il y a encore le théâtre. C'est une méthode radicale, t'envoies un SMS et puis. Non, non, t'es c'est lâche, nul. Quoi. Mais ouais, c'est parfait le SMS. Ah, si t'assumes, t'as l'acheté, pourquoi pas. Ah, franchement, moi, je l'ai déjà fait par email même, tu vois. Donc, j'ai envoyé par email, quelle horreur. Par statut Facebook. Ben, j'ai plus envie, voilà, nous deux, c'est fini, boum. Et voilà, ben, tu laisses ton téléphone éteint quelques jours et puis voilà, s'il vient, tu réponds pas et puis ben, le mec, il comprendra tout seul. Ouais, mais c'est vicieux d'un côté. Ah bah écoute, ouais, mais d'un autre côté, après on s'en sort jamais, donc... Non mais c'est pas ça, mais soyez francs, enfin si vous êtes avec, si vous sortez avec un mec, c'est qu'à un moment ou à un autre, vous l'avez choisi. Donc, à un moment ou à l'autre, il vous a plu. Donc, ayez au moins la franchise de lui dire les choses. Oui, c'est ça. Tu ouais, dis c'est vicieux, mais toi, tu cherches une excuse pour lourder ton mec au lieu de lui donner l'excuse que tu nous as donnée et dont je me souviens temps, absolument si, pas. Si, si il pleure, ben, tu le regardes pleurer 5-10 minutes et puis il va se calmer. Oui, hein. Quelle horreur. Et puis après, il s'en va. Franchement, c'est. Non, mais c'est. Je sens mal pour lui, quoi. Mais c'est un mauvais moment à passer. Non, mais fais pas ça, fais pas ça. Tu seras soulagé. Mais si. Non, arrête tes conneries. Mais faut bien qu'elle lui dise que c'est fini. Mais non, mais l'autre, il va être en train de chialer, elle va la regarder. Non mais vous. Bah elle attend bon, que ça passe. De pleurer, hein, t'as fini de pleurer. Hein. Mais non, mais. Pas un gamin. Vous aviez pas vu Mensonge et trahison avec Edouard Baird? Non. En fait, non. Il appelle la meuf, il lui fait c'est fini, il raccroche. T'es sûr que c'est avec c'est avec Edouard Baird, ouais. Sinon, ils font des mouchoirs spécialisés, personnalisés, pardon. Ouais. Et tu lui mets l'intérieur de chaque mouchoir. Tu mets un petit mot dedans, un petit mot sympa dedans, tu vois, courage. Ah super. Arrête de pleurer, je ne reviendrai pas. Toi, t'es pire, toi, t'es cynique. Ouais, c'est ça. Bon, mais sinon il y avait. Reste avec quelqu'un par pitié, c'est pas mieux non plus. Ah non, mais ça, j'ai pas dit qu'il fallait faire. Ça, c'est plus que lâche. Sinon, ça. En point 3, il y avait. Bon, écoute, je te quitte parce que la relation n'évolue pas assez vite. Oh, ça, c'est pareil, c'est comme l'autre. Le mieux, c'est de faire les deux en plus. Qu'est-ce qu'on te redise? La relation n'évolue pas assez vite, les choses deviennent trop sérieuses. Mais une fois sur ma sortie, je suis pas assez bien pour toi. Alors là, tu. Ah, oui. Non, mais non, ça, c'est trop utilisé maintenant. Ouais, il y a aussi je. Non, mais écoute, franchement, t'es génial et tout, mais je suis un connard, je te mérite pas. Ouais. Ouais. Non, non, mais tous les mecs l'utilisent maintenant, donc c'est grillé. Bon, franchement, dis-lui, tu lui dis que t'as un autre mec. Ou alors, ouais, ce que tu peux faire. C'est radical. Non, c'est attendez, radical, ça, sérieux. Moi, j'ai une solution également. Et Mélanie, tu fais comme Sandro, tu mets le bonnet du roux. Et le mec, il va se barrer tout seul, t'as rien à dire. Ça dépend lesquels. Toi, ça, peut-être, mais pas d'autres. Hein. Oh, mais pas ce bonnet-là alors, une autre couleur, mais je t'assure qu'il y a des gars qui aiment. Ah non, mais je voyais que j'aimais pas. Écoutez, je trompe fait. Non, ouais, mais j'ai pas dit que j'aimais pas. Attention à mon apparence, que je sais même pas s'il le remarquerait, quoi. Par contre, je suis sûre, je lui taxe sa voiture, mais ce serait peut-être une solution. Mais crève-lui les pneus. Mais non, mais fonce dans le mur avec. Ouais, mais après, c'est méchant parce qu'il faut qu'il paye les réparations. Mais c'était pas bête que tu disais, fais pas trop attention à ton apparence, tu vois, quand tu vas aux toilettes, genre t'essuies pas. Ça c'est encore pire. Oh, t'es que dégueulasse toi. Hein. Te rase pas. Laisse-toi pousser. C'est nul parce que là tu pousses l'autre à te lourder. Eh ben oui. Mais bah ça oui. C'est nul. Et puis ça peut prendre des années hein, parce qu'il va pas forcément la lâcher pour autant. Te lave pas les dents. Enfin tu vois tout. Faut juste dire que t'es un mec. C'est la meilleure. Non mais dis que t'as rencontré quelqu'un d'autre. T'es tombée amoureuse. Mais pourquoi lui mentir? Qu'elle dise qu'elle s'en bat les couilles. Elle se barre. Tu pousses ta meilleure amie genre dans ses bras, c'est pas mal aussi. Ouais, bon, enfin, pour la meilleure amie, si tu veux, c'est un peu. Oui, non, c'est clair, mais ou une copine ou une nana, tu vois. Ouais. Parce qu'après, c'est elle qui est dans la merde pour s'en débarrasser. Ouais, c'est vrai aussi, c'est vrai aussi. Bon, tiens-nous au courant, Mélanie, avec les 10 points, là, il y en a bien un qui va servir, hein. Ouais, je pense que je vais m'en sortir, merci, c'est gentil. Bon, écoute, je te fais des gros bisous quand même. Ouais, mais moi aussi. Je crois qu'il y avait aussi, tu n'aimes pas mes amis. Ouais, il y a ça aussi, bon, enfin bon. Bon, Estelle, je te fais des bisous, merci à toi d'être passé. Je vous embrasse. Bon, à bientôt. Salut Estelle. Ciao à toi. Et puis, on va parler du foot aussi tout à l'heure avec notre ami Larousse. Non, mais attendez, vous allez voir les tirages de Coupe de France, il y a des matchs à ne pas rater, surtout. Oh là là. Il fallait pas rater, c'est le match de Paris, là, ils ont bien joué. Ouais, mais ça, c'est en Ligue. Ou alors, c'est Saint-Etienne qui est très mauvais. On en reparlera. Saint-Etienne n'a pas été très bon. Bon, allez, on est à la bourre comme d'habitude. C'est pas grave. Démarrons maintenant le mag du jour de l'actu condensé à notre sauce. On perd pas de temps. Et on démarre avec les titres du jour. Vous le savez, on vous en a parlé tout à l'heure. Silvio Berlusconi a été blessé au visage par un agresseur dimanche sur une place de Milan. Il a même dû être hospitalisé avec le nez fracturé et deux dents brisées. Hein. Moi, je dis bien fait. Oui, et bah, c'est tout. Ah bah voilà, je crois qu'on tient la vanne la moins aboutie de l'histoire du mag. Hein. La plus sincère. T'as raison, ça fait un bon équilibre, effectivement. Et puis best-seller à venir, Samantha de Secret Story sort un livre. Ah ouais, c'est vachement bien. C'est qui Samantha? Voilà, c'est exactement la réponse que j'attendais en fait. Hein. Bon et puis télé maintenant, le champion d'Europe 2000 et finaliste de la dernière Coupe du Monde, Sylvain Wiltord, était présent hier sur le plateau de Canal Football Club. Il était là pour rappeler qu'il était toujours vivant et qu'à 36 ans, il n'envisageait toujours pas de mettre un terme à sa carrière. Ah mais c'est vrai, il est toujours pas à la retraite. Mais il joue maintenant Wiltord? Dans l'équipe du Pôle emploi, c'est la CEDIC Football Club. Allez, on passe au con du jour, qui est un con très particulier, car c'est un couple de cons, et ils sont espagnols, et bien sûr, c'est le con de Jack. Oui, alors, mon couple de cons a été condamné à 6 mois de prison pour l'homme, et à 4 mois pour la femme, donc l'égalité des sexes, hein, déjà. Ah, oui. Bon, alors, d'après vous, pourquoi? Ils ont couché à Dubaï, sur la plage. Oui, ils auraient dit. Oui, c'est vrai, ouais. Non, en fait, mes deux cons avaient interdiction de s'approcher à moins de 500 mètres l'un de l'autre. C'est Chris Brown et Rihanna? Non, c'est des espagnols. Donc comme beaucoup de couples, ils se sont mis, c'est Chris Brown et Rihanna. Comme beaucoup de couples, ils se sont mis à se détester et chose logique, pardon, ils ont décidé de se séparer. Et ça s'est très mal. Y a que moi qui a un son bizarre ? Non. Oui. Oui. Nous, chez nous, c'est marrant. Ok. Et ça s'est. Putain, ça me perturbe. Bon, et ça s'est très mal passé. Donc l'homme s'était vu condamné par le tribunal à ne pas approcher son épouse à moins de 500 mètres. Et il lui était aussi interdit d'essayer carrément de la contacter. Et donc, bah, mes deux connards, ouais, en fait, après une procédure de divorce qui a duré plus d'un an... Ils se sont mis ensemble. Et ouais, ils ont décidé de se réconcilier. Et donc, c'est là que les officiers de la Guarda Republicana, là, les ont découverts ensemble. Voilà, mais qu'on leur a expliqué qu'ils étaient ensemble comme un accord, mais rien à foutre, ils les ont condamnés à de la prison ferme. Non, on ne rigole pas avec oh la loi. Oh là là, bon merci pour le fond du jour. Hein. Ouais, je t'en prie. Allez, passons au sport maintenant. Les spectateurs du Parc des Princes se sont pelés le cul, mais se sont aussi fait plaisir pour une fois. Hier en fin d'après-midi, et malgré le froid, il y avait du beau monde en tribune présidentielle pour assister à la victoire du PSG face à Saint-Etienne. 3-0. Ouais, et en tant que grand supporter du PSG, il y avait le tennisman Richard Gasquet qui était là. Oui, il est apparu détendu hein, avant une semaine compliquée où le tribunal arbitral du sport pourrait à nouveau le suspendre pour son contrôle positif à la cocaïne. Selon le Parisien aujourd'hui en France, en fait, Gasquet s'est carrément vidé la tête. Ouais. Ah, c'est bien, hein, d'abord la tête et puis les narines. Voilà. Le football portugais maintenant. Pepe, le défenseur international portugais du Real de Madrid, sera absent des terrains pendant environ 6 mois. Ouais, c'est rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Voilà, donc Pepe pourrait même ne pas participer à la Coupe du Monde avec le Portugal et ça fait chier. Eh oui, qu'est-ce que tu veux, il vieillit Pepe. Oh là là là là, encore une grosse vanne dis donc. Hein, voilà. Vous avez passé un week-end difficile les gars ou... Non, je demande. Hein. En roue pourtant il y avait le match quoi, ils bah ont ouais gagné. Il ouais, faut pas demander s'ils avaient perdu hein, parce que ça aurait été un drame. Parlons-en de ce match. Hein. Ouais, bah écoute, ils ont mis 3 buts, va pas nous emmerder. Ouais, attends, j'expliquerai après. Bon allez, on termine avec le truc du jour, et c'est un truc d'autodéfense. Alors vous le savez, les Ricains sont à la pointe de l'armement militaire et civil, et certaines armes sont inventées par hasard. C'est le cas de cette Américaine de 50 ans qui a inventé une arme révolutionnaire. Alors qu'elle proposait du pain à son mari, elle n'a pas apprécié qu'il refuse de prendre la tranche de pain qu'elle lui tendait. Elle a donc pris le premier truc qu'elle a trouvé, c'est-à-dire un steak, et elle s'est mise à le frapper. Donc, ça peut claquer si c'est cru. Ah, hein. Ça, c'est steak clair. Au steak, il rigole pas. Donc. Ouais. Et elle a inventé une matraque moderne et écologique, car biodégradable, le steak. Donc bientôt, tous les flics ricains seront équipés de ce nouveau matériel. Le steak finit donc le taser ou la bombe lacrymo. Place au steak. C'était donc le petit truc du jour. Est-ce que ça vient de là? Tu sais que normalement, quand tu mets une tape sur la tête à un mec derrière la tête, on dit « je t'ai mis un steak ». Vous connaissez pas cette expression? Si, on connaît, mais j'en sais rien. Parce que... Ça vient de là. Bah peut-être que ça vient de frapper là. Frapper ouais les gens avec des steaks. Hein. Bon allez, passons au petit quiz des citations maintenant. Juste, jeudi, on fait une expression du jour. Ouais, et alors? On peut essayer ça. Prendre un steak ou mettre un steak. Ah ouais, pourquoi on pas. On va ouais taper top avec des steaks. Ouais, pourquoi moi pas perso, je vais les mettre alors. Bon, qui a dit, comme Mozart et Beethoven, j'ai confiance en mon talent? Lady Gaga. Oui, Lady Gaga, oh, effectivement. C'est à chaque fois elle, ce genre de truc. Ouais, elle a dit ça dans le public. Je crois que c'est une des qui revient le plus souvent. Ouais, Lady Gaga, raison, avec toutes ces citations à la con là. Je pense qu'une citation par soir, on peut dire Lady Gaga. Bah tu sais quoi, sur mon Twitter, je vais faire une citation. Je vais voir si elle arrive. On va voir. Je sais pas. Faut voir ce que tu dis. Hein. Ouais, bah c'est ça, on verra bien. D'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre sur Twitter ou sur le fanbook, là, mikael.fm, et vous allez dans la communauté. Bon, qui a dit une fois dans mon paquet de MLM s'il y en avait certains sans cacahuètes dedans, alors j'ai téléphoné, ils m'ont offert un an de consommation gratuite. Effectivement, Eva Longoria. Attends au moins que la phrase se finisse. Oh, bah ouais. Oh pardon, jouer, excusez-moi les gars. Et qui a dit, je pensais que je pouvais continuer à coucher avec des filles, même mariées, mais mon psy m'a dit que c'était aussi considéré comme une infidélité et qu'il y a des règles donc à respecter. Ah, je l'ai vu. Tiger Woods. Lady Gaga. Non, bah non, deux fois Lady Gaga dans le même quand même. C'est déjà arrivé deux fois les mêes. Ouais, mais bon. Les artistes. C'est dévité tant qu'à faire. Non, c'est une meuf. Ah, c'est Fergie. C'est pas George Clooney, c'est Fergie, effectivement, des Black Eyed Peas qui a dit ça, effectivement. Dans public, car dans public. Bah c'est plus comme ça. Là, des stars en public. Voilà, c'est ça. Et c'est bien parce que là, ça a été sponsorisé par public puisque c'est Lady Gaga, Eva Longoria et Fergie. Tout a été dit dans public. Voilà. C'est pour ça que Sandro a bien répondu. Bah ouais, c'est ça, hein, parce qu'il passe sa vie là-dedans, donc forcément. Bon, retour du Mac du jour à l'autre jour. Mickaël, le podcast. Bon, allez, après avoir parlé cul, après avoir parlé oseille, parlons foot. Et avant la première. On leur a tout fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon, bah voilà, une petite victoire de Paris ce week-end. De Marseille également. Une grosse hein. victoire quand même. Hein. Une victoire 3-0. Oui, oui, oui, 3, oui. Non, bah, franchement, moi je suis pas d'accord du tout. J'ai alors, pas compris, Sandro était au stade. Ouais, Sandro est venu au stade. Comment oh ça se là, fait là là là. Parce que Micha a mis un plan à roue. Comment ça se fait que t'as mis un plan à roue, Micha? Bah, il s'est plié le crâne. Ah ben, bah, c'était la veille, c'était dur. Hein. Ouais. Bah oui, il allait voir un match à 4h30 en même temps. 17h, mais bah, oui, 17h. Y a que toi qui te lèves à 4h30 de l'après-midi. Hein. C'est le matin. C'est le matin. Dimanche matin. Ouais, c'est ça. Ouais. Il a bu trop de vodka, Micha. Ouais. Bon, bref. Oui, c'est ça, oui. Et donc, 3-0, donc. Ouais, 3-0. Non, t'entends mal. 3-0. 3-0 pour les Parisiens. Franchement, on s'est pelé le jonc. Oh, ah, tu m'étonnes. C'est vraiment froid. Deuxième mi-temps, je crois que j'ai rarement vu une deuxième mi-temps aussi pourri. Et rien, il se passait rien. Mais oui, mais peut-être qu'eux aussi, ils avaient froid. Ou... Ah non, non, mais c'est abusé, ils faisaient vraiment rien. Ouais, voilà, ils se sont dit, bon, 45 minutes, on gagne 3-0, c'est bientôt les fêtes, on va pas se fouler. Oui, mais c'est ça, hein, c'est ce qui s'est ils passé. Ils se sont dit, bon, on se préserve pour l'Europe. Ah bah non. Bah non. Bah non. Oui, mais ils en avaient mis 3 en première. C'est donc, vrai. En première, on a été bien servi quand mais même. Mais ce qui est relou, c'est que à Paris, donc en général, t'attends des buts. Là, t'attends des buts, t'attends 20 minutes. En 3 minutes ils en mettent 2 et puis rien. Ah, si après ils en remettent ah, un, mais troisième. Peu de temps après tu vois. Et après rien. Et puis il y a plus moi, de... tu sais, y a personne qui s'est fracturé le tibia, rien. Ouais voilà. Claques, moi je suis tombé sur ce que je zappais et puis je voyais sur le décodeur, je voyais foot machin chouette PSG. Je dis tiens je vais regarder, c'est sur foot plus je crois un truc comme ça. Je tombe dessus, je vois 3, je vois 2-0. Je dis oh putain, pas mal après. Après si peu de temps, j'étais là, tu sais, j'avais laissé quelques minutes, boum, troisième but, je me dis ça va être la fête. Hein. Ah, ouais. Moi, puis tu sais, je zappe, je reviens vraiment à la fin, je me dis ah ça doit être 5-6 quoi tu vois. Non mais ils auraient pu 5-6 parce qu'ils en ont raté. Il y a eu beaucoup de cases. Il y a eu des, plein de tirs. Par contre ils faisaient des belles combinaisons, j'ai trouvé en première mi-temps. Oh regarde la Josiane, la championne. Pourquoi elle n'a pas été à téléfoot? Ils jouaient pour donner ton avis. Non, mais ils jouaient en 4-2-3-1 comme d'hab. Ils avaient... ils faisaient des. Ouais, il y avait du beau jeu, j'ai trouvé. Enfin c'était un jeu intelligent pour une fois. Oui c'est vrai, pendant 20 minutes. Mais c'était facile peut-être parce que comme Saint-Etienne faisait pas grand chose. Saint-Etienne était d'une faiblesse et. Heureusement qu'il s'est un gardien. Peut-être c'était fait exprès. Même s'il a pris beaucoup, mais enfin 3. C'est le premier ou le deuxième c'est le troisième, le but d'Erding. Il y a un but qui pue la merde. Hein. Ouais, c'est le bah, il rentre tout seul. Hein. Est-ce ouais, c'est le troisième. Il bouge ouais. pas, le, premier, il le goal, il aussi, bouge hein. pas. C'est le premier. Ouais. Si, quand Jeannot la repousse. Ouais, ça, c'est pas de chance. Ouais. Est-ce que tu t'es rendu compte que tu parlais de foot? Ouais, c'est Sandro qui non, mais c'est bien, non, mais putain, c'est parce que j'y étais. Non, mais quand j'y suis, j'en parle toujours. Quand j'y suis pas, je m'en fous, je m'en branle. Tu vas te faire tous les matchs des week-ends. Non, c'est l'hiver, là. C'est pas possible. Et les Marseillais qui ont gagné 2-0. Les Marseillais. Les Marseillais. Ah, les Marseillais. Les Marseillais qui ont gagné 2-0 avec une grande phrase. Tu viens de dire les Marseillais de nouveau. Non, les Marseillais. Ouais, là ouais, mais après, elle recommence. Les Marseillais qui ont gagné 2-0. Ouais. Et avec une belle phrase de Didier Deschamps, à la fin, ouais, on en a mis deux, on n'en a pas pris, on a gagné 2-0. Il faut quand même rappeler qu'il était consultant avant. Hein. Ouais. Il a répété 10 fois, bon, faut pas faire la fine bouche, mais je pense que bon. Et en gros, voilà, ils ont fait le travail, quoi. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Ils ont gagné 2-0 contre Boulogne. Sinon, les Monégasques qui se sont pris une belle branlée contre Lille, 4-0. Lille, ça fait en deux matchs, ouais, ils putain. Mettent 8 buts. Hein. C'est ouf. Donc c'est pas mal. Et Saint-Etienne, en deux matchs, ils en prennent 7. Ah oui, quand même. Ouais, pas mal non plus. Le gros choc, c'était hier soir, Lyon-Bordeaux. Avec les Bordelais qui ont gagné à la fin du match 1-0 avec un but de Chamac. Ouais, en fait, donc, ils se la jouent Lyonnais, là, les Bordelais. Ouais, grave. C'est-à-dire qu'ils foutent rien. Enfin, ils foutent rien. Il y a rien. Et à la fin, boum, un but et ouais. Ferme ta gueule. Et donc Montpellier qui a gagné 1-0, Montpellier c'est qui est dingue. Donc on va faire dans l'ordre. Bordeaux qui est premier avec 34 points, Montpellier qui est deuxième avec 30 points. C'est fou quand même, ils étaient en Ligue 2 l'année dernière. En Ligue 2, je ouais. me souviens, on était à Montpellier quand ils ont gagné le match qui les a fait passer en Ligue 1. Ouais ouais, c'est ça. On était en direct de Montpellier. Quelle adresse d'ailleurs encore ouais. C'était à Castelnau-le-Lez. Route de la je rappelle plus. La Pompignan. Voilà. Tu vois que tu te souviens. Et santé. Ouais, santé, ouais. Les troisièmes, ce sont les Lillois. Les Marseillais sont quatrièmes. Rost. Grenoble. Avec un match de retard. Avec un match de retard. Pour les Marseillais, donc ils peuvent être deuxièmes. Il reste une journée, là, avant la trêve. Il en reste deux, même, je crois. Il y a PSG Grenoble, 23. Ça, c'est si vous perdez, assurée, ça. Hey, si PSG perd, je paye le champagne. Ouais, face à Grenoble. Si PSG perd. Si le PSG perd, je paye le champagne. Ok, ça marche. Non, mais il doit en rester un ou deux. En tout cas, le 23, voilà, il y a PSG Grenoble. Il y a, oui, Grenoble qui a reperdu. Oh. Ouais, ça recommence. Ouais, mais pourtant, ils sont quand même à malédiction. Ils sont à 5 points là. 6. Ah si, non, c'est une victoire. Non, ils ont ah oui, perdu. 3 nuls et une victoire. Ouais, 3 nuls et une victoire, ouais, 6, ouais, points. Ouais. Bah, 6 points. Ils ont perdu 1-0 contre Sochaux. Ah ouais. Donc au niveau du classement, Le Mans, Boulogne et Grenoble sont les lanternes du championnat. Saint-Etienne est 17ème avec 15 points, ils ont 3 points d'avance sur le premier relégable. Tout le monde va bien galérer là, parce qu'en plus ce qu'il faut savoir c'est qu'au-dessus de Saint-Etienne, il y a Nice et eux ils sont déjà à 5 points. Donc ils sont déjà partis devant. Je pense que Grenoble, ça va l'eau quoi. Ouais, mais fini. Je crois qu'ils vont passer directement en CFA, non? Ouais, c'est possible. Ils passeront même pas en Ligue 2. Hein, sinon, pour ceux qui n'ont pas Canal+, ni Foot+, ni Orange, maintenant il y a la chaîne Planète. Je sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, en fait, entre 20h46 et 21h04, il y a eu l'avant-match et Planète a retransmis 4 minutes du match Lorient-Auxerre. Mais c'est une erreur. Ouais, c'est une erreur, ouais. Ah ouais, Lorient qui a, en plus, Lorient-Auxerre 0-0. Ils ont choisi le mauvais match. Alors le problème, c'est que le match a été acheté par Orange. Mmh. Ah, Planète est une chaîne qui appartient à Canal+. Ouais, Canal+. Ah, ouais. C'est soi-disant un incident technique. Alors est-ce que c'est Canal+ qui a merdé ou est-ce que c'est pas encore un technicien de chez Orange qui s'est suicidé? Je sais pas, on n'a pas la réponse. C'est un peu bizarre. En tout cas, ils vont faire des enquêtes parce que c'est pas normal. Encore ça va sur Planète, tu vois. Ouais. C'est, alors on s'est trompé, c'est passé sur Canal+ Sport. Un accident. C'est vraiment bizarre. En même temps, c'est 4 minutes, c'est pas... Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est Orange, ils sont... Et il y a eu les tirages de la Coupe de France. Ah. Alors, avec que de la grosse affiche. Alors, il y a des matchs de Ligue 1 ensemble. Grenoble-Montpellier. Il y a Saint-Etienne-Lorient. C'est pas vraiment un match de Ligue 1, ça, Roux. Bah, si. Il y a Le Mans-Valenciennes. Les Marseillais joueront contre Trélissac, une équipe de CFA2. Lyon jouera contre les Strasbourgeois qui sont en Ligue 2. Bordeaux jouera contre Rodez. Et le Paris Saint-Germain affrontera Aubervilliers. Mais c'est régional ou quoi? Ah ouais, bah Coupe de France, c'est tous les clubs. Non, mais ce que je veux dire, c'est Bordeaux, ils vont jouer une équipe du Sud-Ouest. Paris, ils jouent une équipe d'Île-de-France. Ah non, c'est une coïncidence. Ah ouais, mais les matchs à ne pas rater sont, je les ai notés. Ah, un petit Avranches-Saumur. Il y a aussi... C'est bon ça, Avranches-Saumur. Ah, je croyais que c'était la première ville, j'attendais le deuxième. Il y a Marquette qui jouera contre Mulhouse. Marquette? Ouais, je sais pas ce que c'est. C'est un supermarché. C'est un supermarché, ouais. Ouais, c'est ça. Pau qui jouera contre Evian Tonon Gaillard. Ouais. Pau, c'est un mec. La Grande Motte Pyramide qui jouera contre Villefranche. Attention, il y a un petit Choret Agen. Oh, et le pruneau. Ouais, et le plus petit club, c'est Versailles qui joue en DSR. Putain. C'est un château. Hein, qui jouera contre Beauvais. Oh là là là là. Ça, putain, si vous voulez vous taper match. Un bon match. Ah, c'est un aéroport. Surtout qu'Aubervilliers, Aubervilliers PSG se jouera peut-être au Stade de France. Autant dire que ce sera vide. Eh ben, ce que je propose pour des gros matchs comme ça, c'est que on crée une, tu sais, juste pour l'occasion, une web radio foot et que ce soit Sandro qui commente les matchs. Non. Ça peut être drôle. Ça pourrait être bien marrant. Très très drôle. Et sinon, en championnat, c'est pas un championnat allemand, c'était en Ligue des Champions, Jens Lehmann, le gardien de Stuttgart, qui pendant le match, il se faisait un peu chier, il avait envie de pisser, bah, il est allé derrière sa cage et puis il a pissé sur la pub pendant le match. Sur la pub. Il s'en bat les couilles. Sur la pub. C'est surtout qu'il a dû avoir froid. Hein. Ah, il s'est caillé. Hein. Ah, et en plus en Allemagne. C'était oui, contre Léonie. D'accord. Ah, une très très belle équipe. Ah ouais, bon, grave. Dans un instant, on va jouer. Oh là là, mais c'est pas possible. Non, mais j'ai des places de foot à gagner aussi. Tu vois, on est un peu sympa avec toi et ça y est, ça repart. Attends, c'est une bonne nouvelle qu'il y a le bonnet de l'OM. C'est une bonne nouvelle pour tous les supporters des Bleus, puisque les Bleus, après avoir arraché la qualification difficilement, mais ils ont réussi, après avoir eu un hôtel de luxe pour jouer en Coupe du Monde, là, un hôtel spa et piscine et machin, ils pensent à faire un stage à La Réunion. Bah oui. Bah oui. Voilà, bien sûr. Voilà, on fait les choses simplement. Ça va pas les fatiguer le décalage. Non, bah nous aussi, je propose qu'on aille faire un stage de radio vers Sydney en Australie. C'est pas mal, c'est une bonne idée. Ouais, franchement, ça peut être pas mal, hein, on va y réfléchir. Bah, bon. On va surtout faire la demande déjà. Demande-la, on peut tout demander si tu veux. Alors, aucun problème. Donc, on va jouer aux questions pour une réponse dans quelques instants. Si vous voulez vous inscrire pour jouer avec nous, 612, débuté par Énergie. Et puis vous mettez QPR avec votre numéro de téléphone. Et puis, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que Micha fout? Il passe sa vie à bouger. C'est quand même surréaliste. Je sais pas, mais je crois qu'il a des hémorroïdes. C'est pour ça qu'il est obligé de se déplacer. Il passe sa life à se balader. Je ne le vois que se balader. Non, mais apparemment, Mustapha du 6-9 a perdu sa carte bleue. Ah, l'auditeur vient de la retrouver. Mickaël, le podcast. Bon, on va jouer aux questions pour une réponse maintenant avec Victor et avec Jean. Bonsoir tous les deux. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, bon, tant mieux. Bienvenue à vous deux. On va. Roux à ton aise, hein, sur les chaises. Oui, je sais, ouais. Ouais, enlève ton pied direct. Bah, c'est bon, sur enlève mal. Ton pied, je te dis. Qu'est-ce que t'es chiant. Ouais, bah. Qu'est-ce qu'une meuf. On n'est pas chez toi, on n'est pas dans ton HLM, là. Ah, bah, attends. Bah, toi, il fait pas ça chez lui, hein. Ouais, et toi, t'envoies tes stagiaires te chercher des médicaments à la pharmacie. Je vous parlerai pas. J'abîme pas le matériel. Qu'est-ce que t'as que commence pas à faire ton malade. C'est pire, tu prends les hommes qui travaillent pour nous, qui apprennent la radio, tu les envoies à la pharmacie. Un très petit orifice à la surface de la peau. Plus. Je vois pas le rapport. Non, mais c'est juste que c'est. Qui s'est porté volontaire en plus. Et c'est apprendre la radio. Bah oui. C'est apprendre la radio. Bah oui. Ah non là. Bah passer stagiaire, mec, à un moment, et encore moi j'en vois pas à chercher du café, moi. Mais c'est il a pas. Il a... C'est exceptionnel. Il apprend pas la radio en allant à la pharmacie acheter tes médocs. Si, bah si. Regarde quand on envoie les Mexicains à la pharmacie, c'est chercher les trucs. Ça c'est bon, Mickaël. Ah merci, Tex. Faut bien qu'ils connaissent le chemin. Par contre, c'est Julien. Faut bien qu'ils connaissent le chemin. Que j'ai dit Tex. Ah pardon. Julien, Mickaël. Ouais, je sais, je te remercie, Julien. Bon, Victor, 22 ans de Paris, dans le 9e. Comment va Victor? Ça va, merci, ça va. Bon. Et vous, la forme? Ça va. Bah écoute, ça va, tranquille. Hein. Bon, de l'autre côté, il y a Jean. Allô, Jean? Ouais. Comment ça va? Bah ça va, pépère. Et bon. Un très grand bonjour, un amical bonjour, de la part de toute l'équipe. Ouais, bah. Tout à fait. De toute l'équipe, Julien. Donc, Jean, 17 ans, de Boulogne, 92. On va donc jouer aux questions pour une réponse. Ouais. Vous êtes prêts? Oui. Allez. Attends, parce que on attends, qui joue de l'équipe. Hein. Ah, pardon. Bah oui, mais enfin, ça n'empêche pas de lancer le jingle. Oui, c'est vrai. Ouais. Alors. Okay. Bonsoir à tous. Installez-vous confortablement. Voici le rendez-vous incontournable des têtes bien faites et des cerveaux en folie. Question pour une réponse. Attention, ça va commencer. On monte le son. Voilà, et puis petit rappel parce que je vois pas mal de messages qui arrivent avec foot, laissez votre numéro hein, sinon on peut pas vous rappeler. Marchera, ouais. Donc 612, débutez par énergie, puis vous mettez foot et votre numéro de téléphone. Bon Victor, tu veux jouer avec qui? Toff. Avec Toff, d'accord. Et Jean, très tu bon veux choix. Jouer avec qui? Avec Sandro. Avec Sandro. Très mauvais choix. C'est ça, exactement. Ça se joue maintenant entre vous deux. Oui, ça va se jouer maintenant, oui, quoi qu'il arrive. Hein. Même pas en rêve, Sandro. Ça commence déjà. Mais non, t'es parano, ça me gratte derrière l'oreille. Oui, comme par hasard. Mais et non, ça gratte juste pile poil à ce moment-là, comme c'est bizarre. Je crois que j'ai attrapé des poux. Ouais, ah bah oui, ça t'a mis le bonnet du roux, donc si tu veux, il y a vraiment. Micha! Qu'est-ce que tu fais avec le stylo là? Comme par hasard, tu prends le stylo de Sandro, comme par hasard pour lui écrire les réponses. Mais non, mais qu'est-ce que t'es parano? Là-bas. Si, Micha, il est comme ça. Là-bas, Micha. Micha, il est pire. Cool, là-bas. Va là-bas. Je m'en fous. Va là-bas. Le pauvre Micha. Et donne-moi le c'est même pas un chat. Micha, Micha. Oh, c'est gonflé ce qu'elle vient c'est de pas faire. C'est possible. T'es de ma gueule ou quoi? Je veux un gâteau. Ouais, c'est donne-moi ça. Donne-moi un gâteau, Micha. Ouais, c'est ça. T'as déjà bouffé 10 madeleines, mais dis pas que tu veux un gâteau. Comme si ça me suffisait. Ouais. Très bien. Bon, Micha, si je vois que tu souffles, j'ai demandé à ce que tout le monde soit payé pour les vacances. Tu seras payé après les vacances. On ne casse pas le matériel. Hein. Le 5 janvier, tu seras payé. Non, ouais, si, tout si. Le monde sera payé le. J'ai demandé à ce qu'on soit payé avant les vacances. Tu peux même nous payer jusqu'au 8. Ouais, mais qui ne risque rien n'a rien là, aussi. Là, ouais, bah tu risques les choses là. Tu seras payé le 6, toi. J'aime bien prendre des risques. Tu seras payé le 6. Non. Si. Non, fais pas. Allez, ça. On y va. Victor et Jean, vous êtes prêts? Oui. Tu vois l'abus de pouvoir, ce que c'est? Attends, ouais. C'est ça. T'as vu? Tu vois la politique? Ouais, bon. C'est ça. Allez, on y va. Attention. Top, je suis une série de jeux vidéo d'aventure, d'action, encore de réflexion du type survival horror. Et je quoi? Non. Assassin's Creed. Non, et je suis un des pionniers du genre. Jean. Survivor Assassin's Creed. Non. Oh, c'est quoi ce jeu? Tu seras payé le 5 aussi toi. Voilà. Du genre sur console avec Alone in the Dark. Je suis développé par Infogames et tout de suite après je fais mes débuts sur PlayStation. Top. Doom? Non. Excuse-moi, je vais changer d'angle avec mes feuilles, sinon je vois mal Micha pendant que je donne les phrases. Puis grâce à mon succès, plusieurs suites seront réalisées sur la plupart des consoles. Oui. Resident Evil. Comment? Resident Evil. Bonne réponse. Non, c'est pas comme ça qu'on dit. Peu après, Sandro. Je deviens un des jeux phares de l'industrie du jeu vidéo, m'offrant même le luxe. D'être convoité par Nintendo pour des contrats d'exclusivité à ce jour, je m'écoule à plus de 35 millions d'exemplaires et en me voyant exploser à la face du monde, Hollywood se jette sur moi pour faire une série de 3 films au cinéma avec la sublime Mila Jovovich qui devra lutter contre la multinationale pharmaceutique Umbrella Corp. En japonais on m'appelle Biohazard carré en français, je signifie le mal résident, selon Jack. Je suis Resident Evil. Ouais, une belle question. Eh oui. Allez, 1-0 pour... Si c'est pas ciblé, ça. Victor. C'est toi qui avais donné la réponse, non, Victor. Non, c'est Jean. Oui, c'est Jean. Non, c'est Jean, arrête de mentir. Attention, deuxième question, vous êtes prêts? Prêt. Prêt. Oui. Micha, tu joues pas? Oui, mais il est prêt quand même. Oui, mais où? Top. Je suis né le 11 mai 1952 à Paris, grand auteur, compositeur, interprète français. Je totalise près de 15 millions d'exemplaires. Oui. Johnny Hallyday. Non. Avec pas moins de 23 albums, je suis l'un des chanteurs les plus populaires en France et l'un des plus connus dans la francophonie. J'utilise notamment mes chansons pour critiquer la société, rendre hommage ou faire sourire. Sandro, j'ai dit avant, Georges Brassens. Non, top. Ce n'est pas ça. Non. Qui a dit Jean ou Sandro, toi, ton premier Jean? Non, c'est moi. Victor. C'est moi. Victor. Bon, Jean, il a dit avant. Jean. Mais là, vous faites la faute. Renaud. C'est Renaud, c'est Jean. Non. C'est Jean qui a dit ça. Non, c'est pas Jean. Je te jure, Mike, que c'est Jean qui a donné son nom avant. Tu sais bien que j'aime pas tricher. J'aime pas l'injustice. C'est elle la patronne, c'est elle qui décide. Non, mais c'est aux auditeurs, voilà. Jean. C'est Jean. Non, c'est pas Jean, c'est une mauvaise réponse. Non, il a dit Renaud. Non, mais c'est Renaud. Ah non, mais il faut savoir, c'est Jean ou c'est Renaud. Mais c'est son prénom, Jean. Non, t'as dit Renaud, il a fait c'est Gérard Jean. Lambert et Victor tout. Renaud. Non, arrêtez de tricher, les Renaud, gars. Renaud, il a fait Gérard Lambert, il a fait l'autofoot bah comme ouais. chanson. Il a fait plein de chansons. Bah ouais. Il a fait Mon Beau, c'est tout, nanana. Oui. Mon Beau. Vous êtes une belle brochette, vous quatre. Hein. Bon, donc je disais, j'ai tellement le melon que je me suis moi-même surnommé le chanteur énervant en raison de ses multiples engagements pour des causes comme les droits de l'homme, l'écologisme ou l'antimilitarisme. J'ai chanté de nombreux tubes. Sandro, je te dérange pas là. De nombreux tubes comme Marche à l'ombre, Mistral gagnant avec Vanessa Paradis ou encore Manhattan Kaboul avec la chanteuse préférée des Belges, Axel Red, en 2003. Chanson où je gagne d'ailleurs le Energy Music Awards de la meilleure chanson et du meilleur duo francophone. Je sors un album venu d'Irlande en ce moment et mon nom est le même qu'une marque de voiture. Je suis donc Renault. Vous ne saviez pas? Eh bien moi non plus. Bon, bah, alors t'es con Julien, hein. Je pensais que t'étais quand même un peu plus futé que ça. Hein. Bon allez, troisième et dernière question. Vous êtes prêts? Prêt. Ouais. Attention. Oh, ça s'annonce tendu ce allez, soir. Jean, allez, hein. Top. Je suis composé de près de 332 798 habitants. Je suis la capitale de la fédération et du territoire de mon pays. Et je suis situé à l'extrémité sud de mon pays. Je suis certes la capitale, mais la troisième Jean... Monaco. Non. La troisième plus grosse ville du pays, en effet. J'ai été choisi comme siège du pays en 1908 en raison des rivalités des... Bastia? Non. Des deux plus grandes villes en langage aborigène, langue préférée de Polo, je signifie... Jean. Johannesburg? Non, Jean. Rome. Non. Je signifie lieu de rassemblement. Jean. Jean, Copenhague. Non. Et je suis une des seules villes au monde à avoir d'abord créé les plombs avant de le construire. Tof. Jean. Dubaï. Non, Jean. Casablanca. Non, c'est en 1913 que je vois le jour grâce à un concours international remporté par le couple Griffin que... Oui, que je vois le jour. Donc allez, un petit indice. Voir un gros, je suis la capitale du pays des... kangourous. Ça, on l'a dit en même temps, je suis désolé. On l'a dit en même temps, c'est dégueulasse. Canberra. Bonne réponse. Mais c'est dégueulasse, on l'a dit en même temps. On l'a dit en même temps. Toff l'a dit avant. Oui, mais il a dit la réponse sans dire son prénom. T'aurais dit Sydney. Non, avant. J'allais dire ça, là. Jean Cambéra. J'allais dire ça. Non, mais Jean, t'emmerde pas, là. C'est Toff qui a gagné. Il l'a dit en premier, Toff et Victor. Je suis désolé, Jean, t'es victime de tricherie. Non, je m'excuse, non, mais merde. On l'a dit en même temps. Je te jure qu'on l'a dit en même temps, mais c'est dégueulasse. Quoi. C'était quoi la réponse? C'est Cambéra. Ah oui. Non, je te jure. Réécouter. Non. Réécoute, merci. Eh ben, Roux va réécouter. Tu verras que je suis une victime dans cette équipe. Mais non, t'es pas une victime, t'es une tricheuse dans cette équipe. T'es une tricheuse dans cette équipe. Et Jean, c'est une victime aussi, là. Mais non. Tu l'as bouffonné devant tous ses potes, là. On est en démocratie, hein. Mais justement, c'est une erreur d'arbitrage. Si j'écoutais Sandro, regarde, ce serait une erreur. Demande à Thierry Henry. Ouais, voilà, exactement. Exactement. Bon, Roux, alors la rediff. On vérifie, vous inquiétez non, pas. Attends, je peux pas te le diffuser ça. Non, mais écoute. Écoute-le toi. Mais si, vas-y, on peut rediffuser. Non, rediffuse pas, Roux. Roux, Si, mais rediffuse pas. Mais écoute-toi. Non. Si, c'est possible. Ah, très bien, on va remettre. Alors attendez, ça va vite ou il faut attendre longtemps? Non, il a qu'à laisser couler le son. Bah dis-moi. Bon, allez, Roux. Bon, Roux. Non, mais tu sais quoi, Mike, t'emmerdes pas avec ça. Non, mais... t'emmerde pas avec ça, fais gagner les deux et puis. Non, j'insiste pour vérifier. J'insiste. Voilà, Jean. Attends une seconde. Il y a une très très belle statue. Voilà, on fait notre petit best-of. Hein. Non. Ah. Avec pas moins de 20 de nombreux tubes des kangourous. Top. Je l'ai dit avant. Non, je l'ai dit avant. Tandro l'a dit bien avant. Mais c'est dégueulasse. Remettons. Tandro l'a dit bien avant. Situé à l'extrémité sud de mon pays. Je suis certes la capitale, mais la troisième Jean. Monaco. Non, la troisième plus grosse ville du pays, en effet, j'ai été choisi comme siège. En rond vide. En raison des rivalités des. Oh là là. Bastia. Non. Les deux plus grandes villes en langage aborigène, langue préférée de Polo, je signifie. Jean. Johannesburg. Non, Jean. Rome. Non, je signifie lieu de rassemblement. Jean. Ah mais Rome, t'as remis au début là. Je suis une des seules villes au monde à avoir d'abord créé les plans de construire. Jean. Dubaï. Non, Jean. Casablanca. Bon, alors attention. Que je vois le jour grâce à un concours international. On va voir qui de Toff ou Sandro l'a dit en premier. Que, oui, je vois le jour. Donc allez, un petit indice. Voir un gros, je suis la capitale du pays des kangourous. Toff. Non, non, c'est dégueulasse. Non, je suis vraiment, c'est vraiment dégueulasse. Tu le dis plus fort, mais c'est lui qu'on entend. Non, bah, parce que regarde, Sandro, c'est en deux syllabes. Toff. Non, non, mais écoute, s'il te plaît. Écoute ce que je veux te dire. Sandro, c'est en deux syllabes. Toff, c'est en une. Oui. Tu entends sur la fin, sur le dro qui dit Toff. Réécoute, tu verras. Sandro, t'es une poissonnière. T'as crié plus fort. Non, j'ai. Ok, on m'entend un petit chou là au-dessus. Victor. Non, attends. Victor. Roux, regarde. Victoire. Non, mais regarde, c'est dégueulasse, putain. En plus, t'as plein de des millions de témoins à l'appui. Et tu triches ouvertement, mais t'es un mauvais animateur. Victor, victoire. Calme-toi et rappelle-toi que c'est celle d'avant. Une dernière. Vous êtes prêts? Ça va arriver très vite. Mais moi, je suis prêt, vite. Moi. Moi, j'entends Toff en premier. Non, moi aussi, je suis désolé. Arrêtez, les gars. Vous entendez Toff au moment où j'ai dit Dro. Par le couple Griffin que. Oui, t'as mis au tout début là. Et bah ça, de toute façon j'ai décidé, je suis le juge. Non, attends, le juge fait de mauvais bon verdicts, juge, c'est comme non, ça. Un bon Victor, juge. Victoire. Non, attends, fais gagner les deux au moins, c'est dégueulasse. Non, mais fais gagner les deux, Mike. Mais ça se fait pas. C'est une défaite. Franchement, ça se fait pas. Moi je joue plus jamais jusqu'au mois de. Jusqu'aux grandes vacances, tu m'enlèves, Micha, je veux plus jamais jouer. J'ai une tête comme un saut, mais la pub. Mais la pub. Avec des juges corrompus là, c'est quoi ça? Michael, le podcast. Et le son de Miley Cyrus à l'instant en Party in the USA, on accueille Monsieur X qui est là. Je suis en train de baiser Monsieur X. Oh. Excusez-moi, je suis en train de me finir dans X. Parce ouais, c'est ça. Ouais. On aura le Polo Show aussi dans quelques instants. Polo qui est déjà arrivé d'ailleurs. Hein. Bon, X, tu me nettoies tout ça là. Et bon, puis tu te bon, Monsieur X qui est arrivé pour une fois à l'heure. Bonsoir X, comment ça va alors? On vous entend mal, on vous entend mal. Comme d'habitude, à chaque fois on vous entend mal quand vous arrivez. Ça croit, vous le faites exprès. Il fait la star bon, quoi. Testez votre micro pour voir. Non, bah non, ça marche pas là. Oh là là là là là là. Je parie que c'est du sabotage. C'est les autres radios à mon avis qui ont dû saboter. Hein. Ou alors c'est Polo du Polo Show qui a peut-être saboté le micro de Monsieur X. Peut-être qu'il veut la même voix pour son émission, je sais pas. Bon Monsieur X, vous m'entendez ou pas? Non, vous, on entend mal, on entend très très mal. Oh là là. Par contre, on a bien entendu le ro du roux. Non, c'est pas moi. Si, c'est toi. Non. Si. Je t'ai vu. Là, c'est moi. Ouais, eh ben c'était pareil, si tu veux. Bah non, c'était Pablo. Bon, Monsieur X. Ah bah non, là, on vous entend mal. Ah, bah quand même. Oui, bah, je suis désolé, si votre technicien n'est pas doué, je n'y peux rien. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, bonsoir, Monsieur X, donc. C'est-à-dire que je teste le truc en antenne, ça marche. Je le fous à l'antenne, ça marche plus. Ouais, mais c'est X, il porte la poisse. Bizarre, bizarre. Bon, je vois que vous allez mieux, Monsieur X. Mais non, c'est pire en pire, je n'en peux plus. J'ai envie de bander, de démonter des chattes, de péter. Oui, du calme, Monsieur X, du calme. Alors, ça s'arrange vraiment, vraiment pas, votre augmentation de la verge. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, donc vous êtes allé à Cuba il y a quelques semaines, vous faire rallonger la teub. Ouais, enfin, et surtout aller parce que c'était gratuit. Oui, mais je sais que je parle à un connaisseur hein, en matière de gratuit. Hein, vous verrez dans 4 semaines quand j'aurai repris la possession de mon membre que je fais crier les chaînes. Hein, qui c'est le roi de la bite? Oh là là, oh, là il est pas bien. Hein. On est impatients de voir ça, Monsieur X. Mais vous verrez, elles seront toutes accrochées à ma bite à me supplier pour que je les embroche telle une vulgaire brochette avant un barbecue. Ouais, non, ça suffit, Monsieur X, arrêtez d'être vulgaire comme ça tout le temps. Bon, comme vous voulez, mais puisqu'il faut être sérieux pour parler dans votre émission, j'ai une double. Étude danoise et suédoise, très intéressante. Vous avez parlé de double pénétration, ouais. Ça parle de quoi votre étude? Ouais, ça parle de quoi? D'astiquer le poireau, de faire pleurer le cyclope, de dégorger le jonc, de se vider la nouille, de s'encontrer. Ouais, ouais, on a pleurer compris. Pleurer le cyclope. Bon, ça parle de masturbation, quoi. Exactement. Et je vais vous apprendre quelque chose. 57% des femmes et 60% des hommes se branlent au travail. Mais c'est n'importe quoi encore votre étude à la con, là, monsieur X. Je me suis jamais touché à la radio. Ouais, moi non plus. On va vérifier dans l'équipe, monsieur X, qui s'est déjà branché, qui s'est déjà branlé, Roux? Non. Non, très bien, Jack. Ouais, quand Sandra se touche les seins, ça m'arrive. Ah. D'accord, ok, très bien. Michel, il veut qu'on lui demande, attends. Ouais. Attends. Roux, tu t'es jamais branlé dans le studio, c'est ça? Non. D'accord. Ah, C'est tough. Ah bah oui, c'est tough. Moi, ça m'est déjà arrivé, ouais. Mais alors toi, c'est vraiment scandaleux. Hein, quelle horreur. Bon, ben vous voyez, monsieur X, c'est n'importe quoi. Personne s'est déjà branlé à part Taf. Non, c'est une étude très sérieuse en Suède et au Danemark. Et bon, ils sont juste plus chauds que dans les pays froids. Ou alors c'est vous qui ne savez pas profiter des plaisirs simples. Oui, ça doit être ça, monsieur X. Mais je vois pas trop comment je pourrais me branler en studio, cela dit. Hein. Si, c'est facile, hein, sous votre bureau, là. Hein, une petite main en poche et hop, l'affaire est faite. Bon, après, j'avoue, ça colle un peu dans le caleçon, mais... Oh, vous êtes un porc. Mais non, c'est la nature. Les hommes ont besoin de se vider les couilles de temps en temps. Oui, on n'en doute pas, monsieur X, mais au bureau, là, je suis pas vraiment convaincu, hein. Oui, mais vous n'êtes jamais convaincu de rien. Bon, je vais quand même essayer de vous convaincre avec un petit peu de poésie. Quoi, vous allez pas nous refaire vos poèmes à la con, là, monsieur X, quand même, là? Ah non, c'est un vrai auteur, cette fois. Hein. Moi, je ne suis qu'un petit amateur. Non, mais vous avez... J'aimerais bien qu'on mette ma musique. Oui, bah, une seconde. Mais vous avez arrêté vos livres de pervers, là? Je ne vois pas de quel livre vous voulez parler. Je ne fais que dans la grande littérature. Oui, bah oui. Ce sont de très jolis poèmes que je vais vous lire. Hein, ce soir, digne de Rimbaud ou même de Verlaine. Oui, ben j'ai de gros doutes là-dessus, hein, monsieur X, mais bon, allez-y quand même, on va voir. Écoutez, ce poème est tiré de Vers à liqueur, hein, c'est le titre de l'ouvrage. Oh. Bellercy, hein, vous allez voir, c'est magnifique. Donc vous êtes vous, promis, c'est pas de vous, hein? Ah non, promis, ce n'est pas de moi. Bon, bah alors ça va. J'aurais aimé les écrire, mais non. Ouais, bah j'ai peur quand même. Allez. Bon, allez-y. J'ai des fourmis dans la bite. Ah, ça commence super bien. C'est le plaisir qui invite à des bacchanales étranges. C'est une brave déesse, elle se dévêt et tend le calice de ses fesses qui aspire le printemps. Je caresse, je titille la soie huileuse à souhait de son paradis de filles qui fond et flambe à l'excès. Son petit con écarlate, suant son coulis visqueux, j'écartèle et je dilate. Je boite tant que je peux. Non. Oh. Ah, c'est dégueulasse. J'écartèle et je boite, hein, on dirait. On dirait qu'il dit ça. Attends, c'est pas fini. Hein. Puis passant à son anus et ses adorables plis, sa jolie fleur de Vénus, je la tords et l'assouplis. Oh. Ses chairs roses et ardentes, aussi riches qu'un palais, mais tellement plus bandantes, je les mascule de lait. Oh. Du lait au goût vaginal qui coule sur ses deux cuisses jusqu'à son cratère anal. J'avale avec délice. Non, je sais pas pourquoi je m'y attendais à cette dégueulasserie là encore. C'est beau, non? Ah ouais, oui, c'est wow, bon. Génial. Mais attendez, j'en ai un non, autre non, là. Non. Ouais. Le vide de Léonce ouvre le vagin. Il bourre, il défonce, il Oh, monsieur X, putain. Il ouvre les cuisses le plus largement. Et Léonce y glisse son gros doigt d'amant. Son doigt de chair grasse, lourd de sang gonflé. Sans ongles ni crasse. Le plaisir enflé, ses veines affleurent et griffent le bord de ton con qui pleure, de plaisir encore. C'est beau. C'est neuf. J'en peux plus, monsieur X, là, vous m'avez fatigué. Alors, vous avez joué sur votre bureau? Mais non, c'est vous entendre qui devient difficile, là. Je sais pas si vous allez revenir la semaine prochaine, hein. Je sais que je le dis chaque semaine, mais quand même. Mais si, je serai encore là, la semaine prochaine. Je sais que vous m'aimez en secret, que vous rêvez de me faire les fesses. Vous avez un peu d'affection pour moi? Vous faites pitié, c'est pour ça que vous me faites revenir chaque semaine. Même pas un peu? Même pas, non. Allez, au revoir, monsieur X. Bonsoir. Ouais. Elle est déçue. Mais non, mais attends, il fait le malin là, se la ramener avec des trucs dégueulasses et puis à chaque fois il nous la fait à l'envers. À chaque fois on le voit, on lui dit pas de trucs dégueulasses, pas de trucs comme ci, pas de trucs comme ça. Il dit ok. Il fait de la merde. Il a d'amis, hein, dans la vie. Ouais, mais là ça se voit. Il attendait qu'on lui dise mais non, viens et tout. Puis putain, c'était naze quoi. C'est pas naze, c'était dégueulasse. Ouais, bah c'est monsieur. Y a que Pablo que ça a excité. Oui, mais c'est le truc de monsieur X. Il y a des trucs crado, lui. Ah, je trouve ça vraiment répugnant. Caca, quand ça dégouine, il aime ça. Ouais, bah toi aussi. Hein. Ah oui, moi j'aime, oui. Ah. Contrairement à... Ah, vous connaissez pas Pablo a inventé une nouvelle expression? Qu'est-ce que c'est encore? Pablo des Mexicains, qu'est-ce qu'il a inventé comme ça? Alors là, je serais bien curieux si vous connaissiez ça. Ça vous dit quelque chose? Ça vous dit ce que... Ouais, déjà, calme-toi, rigole calme-toi. Avant même qu'il la donne, calme-toi. Est-ce qu'il l'a utilisé? J'ai dit, mais t'es un ouf. Et... Mais si. Bon, vas-y. Un laveur de fesses. Un laveur de fesses. Mais c'est ce que c'est un laveur de fesses? Non. Non, mais tu vas nous le dire. Tu peux pas te laver les fesses, il y a quelqu'un qui vient te laver les fesses. Ah, et t'as ça, toi? Un bidet, quoi. Non. Ah, je sais que c'était un truc. Laver les fesses, c'est quelqu'un qui vient te laver les fesses, qui te lave. Et c'est un oui, nom. Mais il te lave, il te lave pas les fesses. Oui, c'est ça, il te lave tout. Mais il se déforme comme il veut. Laveur de fesses. Je pensais que c'était un truc sexuel, moi. Ou alors il a découvert ça ah, chez Jean-Claude ça, ce week-end. C'est un truc sexuel. Hein. C'est pour ça aussi. Il a essayé de faire rimer laveur de fesses et. Ah ouais, ça n'a pas rimé. Quoi d'accord, okay. Je sais pas, et... pas ta caisse, et il me demande c'est bien. Fesses, ça existe pas. Ouais. Si, mais tant qu'à faire, utilisons boubou la tesse. Ça veut rien dire, mais ça va, bon, ça rime. Allez, dans un instant, le polo show, hein, quitte à dire des conneries, autant qu'il y ait une raison à tout ça. Mickaël, le podcast. Il est l'heure, il est temps de passer au polo show. Allons-y. C'est parti. Et vite. Bonjour, c'est Johnny. Wow, je voulais vous dire que le polo show, c'est l'émission que je kiffe. Excuse-moi camarade, mais s'il n'y a que quand on pète ou quand on rote que ça dit quelque chose, on ne va pas en causer souvent. Oh oui, je la kiffe. En plus, l'animateur, il est chauve et un peu con, hein. Non. Bienvenue dans le polo show, j'espère que tout le monde va bien. C'est faux, je ne suis pas chauve et je ne suis pas con, je suis extrêmement intelligent. Car je fais ce truc qu'on appelle le polo show et je suis payé pour ça et ça c'est fort. Pub et on se retrouve après. Vite ! Si vous voulez éviter les manifestations qui se terminent en fusillade, il y a une application pour ça. Iran t'indique l'itinéraire à éviter pour ne pas mourir trop jeune. Et depuis peu, cette application est dotée d'une nouvelle option. Entre ton nom de famille dans l'iPhone et Iran vote automatiquement pour toi. Iran, c'est uniquement sur l'iPhone. Salut, c'est José Garcia, je suis dans Popo Show. De retour dans le polo show avec le public qui est là en folie. Un public digne de Bercy. Plus fort. Allez, on commence tout de suite le polo show avec je ne sais qui est là. Oh, Colo. Thomas. Ouais. 14 ans. 13 ans. Alors, est-ce que tu as fait tes devoirs? Non mais Polo, s'il te plaît. Hop. Thomas, oui. Est-ce que tu as fait tes devoirs? Hop. Oui. Alors t'as eu quoi comme devoir aujourd'hui? J'avais ma poésie à réviser. Alors récite-moi ta poésie. T'es sûr, hein, parce qu'elle est longue. Je viens de te dire, récite-moi ta poésie. Alors, je sens que mes articulations se rompent. Et ouais. Je tombe sur les coudes. D'accord. Non, fais-je en murmurant. Et je me dis aussi, mais qu'est-ce qui me fait chier, Polo? Ça c'est vrai, c'est marqué, c'est quelqu'un qui l'a marqué. Prends-moi pas pour un con. Enfin, vite. Je rigole. Thomas. Sourire, camarade. Tu la connais pas, Thomas, ta poésie. Tu ne la connais pas. Tu es médiocre. Bon. Thomas. Oui. Tu vas réviser ta poésie, je te prends après, ok? D'accord. Révise. Qui est là? Allô? Oui. Oui, bonjour Polo. Bonjour. Je vous appelle car je suis. Je vous ai présenté ma nouvelle profession. Ouais. Je suis comédien meuble. Ouais. Et donc, pour deux mots, mon CV, j'ai joué une chaise dans Avatar. Waouh. J'ai fait un tabouret dans Le Dernier Vol. Waouh. J'ai également fait une paire de lunettes dans Le Dernier Harry Potter. Donc wow. J'appelle pour le service, voilà. D'accord, et comment, je sais pas. C'est la première fois que je rencontre un comédien. Je crois que pour moi je peux faire cheveux, effectivement. Voilà, je fais bonnet. Bon, c'est super. Je fais masque, ça peut vous servir peut-être. Écoute, si quelqu'un était intéressé par ton métier. Non, pour vous peut-être sac poubelle. Je fais sac poubelle. Ah, on prend. J'ai un anicorde. Donc comme si ça, quelqu'un. Si quelqu'un est intéressé, on passe tes coordonnées. Voilà, okay. Je peux faire extincteur. Ok, bon, ok, mais, c'est cool. Je vous avoue qu'il faut que je mange du cassoulet. D'accord, merci monsieur le meuble. Voilà, au écoute, revoir. Avec plaisir. Allez, casse-toi. Qui est là? Hey, oui, monsieur. Bonjour Polo. C'est un à rallonge. Polo, je suis à New York. Encore? Ouais, qu'est-ce que tu fais là-bas? Polo. Tu serais pas un trafiquant? J'appelle les douanes à surveiller ce personnage. Eh ben, c'est que je suis rentré comme il met dans la poste. Eh ben, Polo. Quoi? J'ai perdu les clés de l'appart, tu peux venir à Mickaël? Quelle clé? Papa, Polo, Je peux te parler, Polo ? Oui, oui, je t'écoute. Matin, j'ai perdu mon portable. D'accord. Dans le taxi. D'accord. Après, je suis arrivé à l'appartement, j'ai perdu les clés. D'accord. Je me retrouve sur un hôtel sur la 5e. D'accord. Ça fait 3. Juste à côté de la pomme. Parfait. Ça fait 4. Et puis là, Polo ? Ça fait 5. Ça fait 6. Et là, ça fait 7. Ouais. Elle est là, Sandra. Ça fait 8. Non, elle est partie. Elle est au chiottes. Elle a la diarrhée. Ah bah alors, justement, ça m'a encore plus excité. D'accord. Ça fait 7. Polo. Et c'est terminé. Allez, dégage. Ça va faire culé pélé, là. Mais il m'a raccroché au nez. Mais il est malade. J'ai pris une claque. Bon, qui est là pour terminer? Oui, comment tu vas? Ah, monsieur Gilles-Louis. Oui, j'ai rien à foutre de mes journées, alors je viens te voir. Bon, qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Oui, dis-moi, j'ai acheté un ordinateur. Un ordinateur? Oui, je sais, j'ai compris. Oui, j'espère que tu m'entends, parce que je suis en train de raconter ma vie. Je paye du forfait pour toi. Alors, j'ai acheté un ordinateur. Ouais. Avec Windows. Windows. Tu connais Windows? Windows. Ouais, Windows, ouais, je fais pas l'américaine, la marocaine, ou l'Ihra. Dis-moi, j'ai essayé d'ouvrir la fenêtre. Ouais. Je t'avouerai qu'en ce moment, les temps sont durs et il fait un peu froid. Tu taboulais. J'ai essayé d'ouvrir la fenêtre, elle était fermée à double tour. D'accord. Il y avait un cadenas. Ouais. Alors attends, j'ai essayé d'ouvrir la fenêtre, il n'y avait pas de poignée. Elle est bonne celle-là. Attends, mais je suis maître de vanne. Je fais des vannes à tire l'arigot. D'accord. On veut dire au moral, je peux te racheter la palette. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Gilles-Louis. Eh bah tu te casses, Gilles-Louis. On va terminer. Garde patience. Le polo show va bientôt se terminer. H-5. Et pour terminer ce polo show tout en beauté et tout en crétinerie, Thomas. Thomas. Oh. Thomas. Oui. T'as révisé la poésie? Oui. Bon bah tu te casses. On va faire comme ça? Bah je peux te dire un truc avant. Non, casse-toi d'ici. Voilà, hein, s'achève le polo show. Merci à ceux qui l'ont écouté, merci surtout à ceux qui n'écoutent pas. Et comme tous ces gens qui sont passés ce soir, vous pouvez intervenir, m'appeler afin que je puisse m'exprimer, vous donner quelques conseils de bonnes existences. Mickaël, tous les soirs 21h minuit sur Énergie et l'intégrale en podcast sur énergie.fr.